Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, votre podcast national catholique mensuel. Alors, avant de commencer l'émission, à proprement parler, vous connaissez les rappels habituels auxquels je me livre, donc les voici. Je rappelle donc que nous sommes présents sur Gab, ainsi que sur Odyssée, à l'adresse Oremus officielle, ainsi que sur Telegram, toujours à l'adresse Oremus officielle, et on vous remercie pour les gens qui partagent nos différents podcasts sur ces plateformes, qui nous posent des questions, qui interagissent avec nous. Je vais commencer l'émission tout de suite par la présentation de deux de mes camarades. Je commence par Elzinko. Elzinko, comment ça va ? Ben, ça va très bien, Bobby. Je suis de retour de vacances après une émission ratée. Tu es excusé pour ton absence. Nous t'accordons une indulgence plénière. Ah. Rex aussi est avec nous. Rex, comment ça va ? Ben, très bien, Bobby. Bonjour à mes chers compagnons d'infortune, intervenants du jour et également futurs auditeurs lorsque l'émission sera sortie. On est une équipe un peu réduite aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on a plein de sujets à vous proposer. On va faire un petit tour du monde. Le tour du monde commence par un arrêt en Allemagne, plus précisément en Bavière. Avec un article qui nous vient de Europe 1, qui précise que la Bavière permet à nouveau la disposition de crucifix dans les bâtiments publics. Je vous lis un petit extrait avant de commencer les discussions. Depuis 2018, une croix chrétienne est apposée sur les bâtiments publics de Bavière sur une initiative du ministre-président du Land, le conservateur Markus Schröder. L'équivalent du Conseil d'État français vient de valider qu'elle n'est pas une atteinte à la liberté de croyance. Politiquement, cette affaire en dit long sur l'évolution récente de la droite allemande. Face à la montée du parti d'extrême droite AfD, ses dirigeants considèrent que c'est avant tout sur les questions identitaires qu'ils doivent mener bataille. Ce fut l'une de ses premières initiatives comme ministre-président de Bavière. Le 24 avril 2018, 6 semaines après son entrée en fonction, le conservateur Markus Schröder faisait adopter un décret stipulant que, je cite, « une croix chrétienne soit accrochée de façon bien visible à l'entrée de tous les bâtiments publics afin d'exprimer l'identité historique et culturelle de la Bavière ». Fin de citation. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en fait, en France, c'est le seul pays, finalement, où ça fait toute une histoire dès qu'on met un crucifix dans un bâtiment public. En Allemagne, ça pose beaucoup moins de problèmes, finalement. Il faut déjà comprendre la différence. Il y a plusieurs différences entre la France et l'Allemagne. C'est un système fédéral. Il y a un petit peu plus d'indépendance au niveau des régions. Ils appellent ça les Länder. On a donc le président de Bavière, en fait, qui rend un décret, en fait, qu'il a rendu en 2018, pour pouvoir donc, qui oblige en fait tous les bâtiments publics. Si on imagine en France, en gros, il y a un préfet qui oblige toutes les mairies, toutes les préfectures à apposer une croix à l'entrée donc du bâtiment. Pour marquer, Robert Ménard, il serait content, il pourrait afficher sa menorah. Oui. Quelque part, mais bon, c'est sûr que c'est une chose qui est absolument impossible en France à cause du système qui est encore complètement centralisé. Même si c'est un petit peu en train d'évoluer avec la décentralisation et ce qui se passe avec l'Europe. Mais disons qu'ils ont là-bas la structure politique et administrative qui permet ce genre de choses. Oui, il y a plusieurs choses à dire, en effet. Et puis, donc c'est une note quand même plus positive. Si on veut rester critique, on dira, bon, il parle d'identité et de culture. Mais c'est bien parce qu'on professe notre foi quand même en l'affichant, en l'affirmant. En place publique, mais ce qui manquait comme mot, j'ai fait un lapsus révélateur, ce qui manquait, c'est qu'ils auraient pu rajouter quand même culturel, surtout, encore plus que culturel. Mais c'est vrai qu'on entend ici parler de Länder, Et en effet, l'Europe est quand même assez provincialiste en réalité, quand on regarde, c'est plutôt le cas de l'Italie et de l'Espagne aussi. Et l'Espagne, c'est aussi un pays où on peut mettre un immense Christ en place publique, ça ne pose pas de soucis, c'est sûr. Alors que nous, les notes de la laïcité, et la laïcité bien comprise, font qu'il n'y a ni crèche, ni crucifix, et pas de choses approchant dans les écoles et dans les mairies. Mais par contre, oui, en effet, à l'Élysée, des choses comme ça, il peut y avoir ici ou là des menorahs qui ne sont pas éteintes à l'extincteur. Ils ont modifié le. Vous avez vu cette histoire là de date du baccalauréat aussi qui était modifiée par Gabriel Attal pour. Ah oui, pour que ça colle par rapport à une fête juive, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Oui, en fait, il y a un gros trou. Regarde le calendrier, le 12 et le 13 juin, il y a une fête juive. Et donc avant le bac a commencé, après il continue, mais ces deux jours-là, il y a deux vides comme ça. Et c'est durant la Hanouka, je crois qu'il y avait eu un échange entre l'intervenant israélite qui s'adresse au président en présence de Gabriel Attal. Il croit que c'est confidentiel et il dit ben regardez la preuve que quand on veut on peut. Gabriel Attal a réussi à le faire pour les dates du bac. En fait, il lui demandait qu'il n'y ait plus de cours, si j'ai bien compris, le samedi parce que c'est voilà le jour du sabbat, etc. Donc quand on veut on peut. Donc il ne devrait pas venir à l'idée d'un jury de programmer des partiels le samedi ou le jour de Kippour sans prévoir d'alternatives possibles, de rattrapage automatique, de solutions simples, celles qui n'impliquent pas de supplier, quémander, négocier pour faire intervenir celui-ci ou celui-là. Et c'est possible, j'ose le dire devant votre ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, qui a démontré que quand il y a une volonté politique, on peut faire qu'aucune épreuve du bac ne tombe sur les deux jours de Shavuot. Je le dis parce que nous sommes entre nous. Mais on avait dit qu'on garderait à Bamru. Mais Monsieur le Président, c'est une question, manifestement, peut-être parce qu'il a réussi à le faire, c'est une question de volonté. La République pourrait, mais oui, effectivement, c'est une laïcité. Une laïcité à la géométrie variable. C'est dommage si tu passes l'épreuve du bac de sport un jour de sabbat, effectivement, vu qu'il compte les pas. Alors, si jamais tu dois faire le 400 mètres et, c'est compliqué, quoi. Ouais. Peut-être qu'ils choisissent autre chose. Après, je suis pas sûr qu'ils choisissent l'option sport. Oui, je suis pas sûr que les Juifs soient très friands de sport en général, d'ailleurs. Oui, quand on travaille dans le bâtiment, on étudie dans le bâtiment, d'ailleurs, on les croise pas beaucoup. Il y a des endroits où on les croise un peu plus dans le commerce, la bijouterie ou des domaines où l'argent circule. Vous êtes obsédé par les Juifs, ou déjà, vous ramenez cette discussion sur les Juifs, vous avez vraiment un problème. C'est scandaleux, oui, il y a un problème psychologique ici, il y a un problème. Non, non, tu peux intervenir, mais je veux dire une phrase quand même avant que tu repartes sur ton monologue. Deux, merci. Vas-y. Toda Rabba, merci. Beva Kacha. Léhi Traot. Bon, si on vous gêne, on peut se retirer. Alors. Non, je voulais juste rajouter un truc sur la laïcité. En fait, ils ont aussi en Allemagne cette notion de laïcité. Une loi qui date de 1949 sur ça, mais qui n'est pas du tout aussi extrême que nous, ce qu'on a depuis la loi de 1905. En fait, l'État français ne reconnaît officiellement aucune religion, aucun culte, il n'en subventionne aucune, et il ne doit pas favoriser un culte comme un autre, ou le fait que ça rentre vraiment en contradiction, enfin, ce qui s'est passé à l'Élysée avec la Hanouka. Mais ça, c'est vraiment une approche très française, très extrême de la laïcité. C'est là qu'on voit qu'il y a certaines différences, en fait, entre les peuples, et notamment entre l'allemand et le français. Je crois que le français, il a cette capacité à rentrer dans des abstractions beaucoup plus que l'allemand, en fait. L'allemand, il va être beaucoup plus, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais beaucoup plus âme. Donc là, j'allume la radio, tu sais, je me dis, t'es obligé. Et là, Patrick Bruel, oh putain, envie de vomir. J'étais là, oh, puis tu chances, il est sur toutes les chaînes, putain. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que l'allemand, il n'a pas la patience que j'ai. Que nous. Alors nous, ça peut être une bonne chose, c'est-à-dire qu'on va être capable vraiment d'avoir une culture intellectuelle, une compréhension profonde. On a toujours eu des grands mathématiciens, des grands esprits. Enfin, et disons que c'est un avantage sur ce point-là, mais c'est un désavantage dans le sens où on peut vraiment aussi basculer complètement dans la folie. C'est pas l'American Dream, ça c'est le French Dream. Mais l'allemand, lui, va avoir, il va quand même, j'ai l'impression, toujours rester plus ou moins attaché à quelque chose d'un petit peu moins extrême, donc par rapport aux religions, et ce qui semble être, entre guillemets, validé par la décision dont tu vas nous parler, j'imagine, parce qu'il y a eu un recours, enfin les gauchistes ont porté l'affaire devant les tribunaux administratifs pour que ce décret soit abrogé. D'ailleurs, je précise, j'ai fait une petite erreur, c'est un journal Le Monde qui nous relate cet article. Et donc, comme tu dis, en fait, il y a la Fédération pour la Libre Pensée, franc-maçonnerie, boomer, gaucho, tout ce que vous pouvez imaginer, donc qui a fait « Ah, attendez, quand même, c'est quand même la croix, est-ce que ce serait pas une offense, liberté de culte, blablabla. » Et donc, et en gros, ils ont fait du forcing et du lobbying. Ils l'avouent, hein, ils le disent, hein, voilà, on fait du forcing, du lobbying, pour décrocher toutes les croix dans tous les bâtiments publics. J'ai envie de dire ceci. Vous savez que toutes les religions se valent. J'ai entendu ça depuis Vatican, de toutes les religions se valent. Eh bien, on a trouvé un point d'accord fondamental entre les gauchistes et les modernistes. Toutes les religions se valent. Donc, de partant de ce principe, je vois pas pourquoi on mettrait pas la main de Fatma, machin, la menorah, tout ce que vous voulez, ou alors on met rien du tout. Parce que c'est tout ou personne. Et c'est d'ailleurs ce que précise un petit peu l'article. Attention, je vais vous lire un petit passage. Alors, les représentants des églises expriment également leur désaccord. Considérer la croix uniquement comme un symbole culturel, c'est ne pas comprendre ce qu'elle est. Ce n'est pas à l'État de dire ce que la croix signifie. Donc, blablabla, en fait, ils sont pour le décrochage des croix parce que, oui, ou bon, machin. Tagada soin de soi, une petite pirouette. S'indigna donc le cardinal Reinhard Marx. Joël et Lippi. Quoi? Joël et Lippi, ils sont toujours là à dire qu'il faut protéger la terre et ils conduisent des bagnoles qui polluent pas et ils portent des bracelets indiens de merde. Archevêque de Munich et président de la conférence épiscopale allemande, qui d'ailleurs, au passage, je précise, ce sont des gens très à gauche, hein, très très à gauche. Donc lui, il a dit que c'était une décision génératrice de division et de polémique. Voilà, là on est encore une fois dans le tagalin de soin de soin à poète poète pour dire que, bon, finalement, il est pour le fait de décrocher des crucifix dans les bâtiments publics. Alors que moi, je sais pas, je lis l'évangile et je le comprends dans le sens inverse, quoi. Je suis pour la christianisation de la société. Quand t'as fini de lire l'évangile, normalement, t'es pour. Bah, eux, ils sont contre. Oui, c'est là où on voit que ce sont des ennemis de l'Église. Parce que, en fait, c'est voilà quelqu'un qui est censé être chrétien et qui te dit, en fait, cacher cette croix que je ne saurais voir. Mais voilà, depuis Vatican II, ça a commencé comme ça avec. Les plus hauts prélats, finalement, où ils retiraient de la constitution, ils sommaient l'Espagne et la Colombie de retirer la catholicité de leur constitution. Et en fait, c'est la suite logique. Hein. 80 ans après, ils réagissent exactement de la même façon. Et en fait, ils te disent à quel point il faut retirer les croix de la place publique, si bien que, enfin, on aurait la même chose, mot pour mot, dans le discours d'un marxiste, d'un franc-maçon, d'un athéiste pur et dur et tout ça. Et en plus, c'est vrai que quand tu lis le titre comme ça, genre « Retour du crucifix », machin, bah, c'est vrai que ça fait un petit peu, historiquement, un petit peu tonton Adolphe, Benito, etc. Genre les accords du Latran, parce que le crucifix, il est revenu dans toutes les salles de classe du jour au lendemain. Donc c'est vrai qu'il y a... T'as un petit parallèle, en fait, qui est fait comme ça. Et eux, ils le font très bien, les Shabbat Goïm. Donc, c'est ça qui ressort, en fait. Tout simplement, c'est le monde post-Nuremberg et Vatican II, suite et pas fin. Oui, bah, tu dis qu'il dit la même chose que les francs-maçons, les athées, les communistes. En fait, ça prouve que le clergé moderniste, il a été infiltré de A à Z par ces gens-là. Un autre fait qui a pesé beaucoup sur le Concile, c'est... Après que le pape Paul VI a remplacé le pape Jean XXIII, c'est la nomination des modérateurs. Rappelez-vous, la nomination des modérateurs, le cardinal Agajanian, qui était chargé de la congrégation de la propagande, donc qui est un Arménien, un homme très de doctrine, mais un homme très souple, très un peu effacé. Le cardinal Lercaro, il faut bien dire les choses comme elles sont, le cardinal Lercaro s'est manifesté dans ses relations avec les communistes, dans son archevêché de Bologne, et vous savez que son vicaire général, son vicaire épiscopal, qu'il a choisi lui-même, était inscrit au Parti communiste, Et c'est ce qui a obligé le Saint-Père à éloigner le cardinal Lercaro de Bologne. Il dit exactement la même chose que Claudia Roth, une écologiste du Parlement, qui reproche à M. Schröder. Elle dit « Il se sert de la croix pour sa propre campagne électorale et mélange délibérément politique et religion. » Comme si politique et religion n'étaient pas faits pour aller ensemble, comme si... En fait, voilà, c'est le libéral, quoi. C'est-à-dire, je m'occupe de la religion dans ma sphère privée, et dès que j'ouvre la porte de ma maison, je sors, Dieu n'existe plus, quoi. Donc c'est intéressant de voir que voilà, l'archevêque dit exactement la même chose que Claudia Roth sur ce sujet. Mais il y a un point qui est vrai, par contre, dans ce que dit Claudia Roth. Il lui dit « Il se sert de la croix pour sa propre campagne électorale et mélange délibérément politique et religion. » En fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, il faut replacer que dit l'article à la fin, il faut replacer ça dans le contexte politique en Allemagne, et en particulier la montée de l'extrême droite, la montée de l'AFD, qui est un parti qui existe vraiment depuis pas très longtemps, depuis 2013. Alors, on va en parler, mais ils ont un peu défrayé la chronique cette semaine en parlant ouvertement de projets de remigration par millions. Donc, ça change un petit peu de Marine Le Pen, et ils ont énormément le vent en poupe, et en face, un petit peu comme au Danemark, en fait. Au Danemark, il y avait l'extrême droite qui montait, et les gauchistes, en fait, se sont mis à être anti-immigrationnistes là-bas. Ce qui fait qu'ils ont maintenant une politique vraiment raciale, en fait, hein, pour vraiment dire ça, au Danemark, pour faire barrage, entre guillemets, à l'extrême droite, voilà, vu que les gens, ils ont bien compris, hein, ils ont bien fait la tose d'association entre immigration et tous les problèmes. Les Arabes ! Marcus Schröder, il n'est pas à l'AFD, c'est un démocrate chrétien en fait, il est à l'Union chrétienne sociale, c'est l'un des plus gros partis encore existants en Allemagne. Il faut savoir que le parti socialiste là-bas, il a connu le même sort que le parti socialiste en France, ils sont descendus dans l'entour des 10%. C'est vrai qu'il se sert un petit peu de la croix pour, enfin, bon, après je ne sonde pas au fond de ses consciences, hein, mais politiquement c'est vrai que ça a un sens pour lui de mener une politique un petit peu plus identitaire à cet égard-là, pour essayer de, voilà, de voler des voix à l'extrême droite. Alors, si jamais l'archevêque en question, Marx, pense comme ce que tu viens de dire, Zinko, genre il pense que, oh là, attention, c'est un stratagème, c'est trop politique et c'est pas assez religieux. Dans ce cas-là, il aurait dû dire, bon, l'installation des crucifix dans les bâtiments publics, je suis pour, mais je souhaite, justement pour bien clarifier les choses, que cela soit accompagné d'explications sur l'importance du crucifix, la souffrance du Seigneur, etc. Enfin, des trucs purement religieux. C'est pas du tout ce qu'il demande. Lui, il demande à ce qu'on les décroche. Si vous avez cette opportunité, par exemple, de faire installer un petit crucifix chez vous, si vous en avez pas, discret, hein, pas forcément un énorme truc, et surtout si vous avez des enfants, parce que les enfants, ils sont curieux, donc les enfants, ils posent des questions. Et si vous leur expliquez froidement la passion du Christ, ça va un peu les secouer, et ça va leur amener vers un peu plus vers la religion. C'est tout à fait ce que je pense. Ce qui aide aussi, c'est d'avoir de la matière pour méditer. Donc c'est vrai que le film de Mel Gibson, à cet égard-là, il est, bon, quand on n'a pas un peu moins le temps de lire, il est idéal pour rendre la croix plus concrète, en fait, plus réelle, pour se représenter ce qui s'est vraiment passé. Ouais, mais le film de Mel Gibson, je ne le montrerai pas forcément à mes enfants, tu vois. Oui, non, c'est sûr, non, pas à tes enfants, non, à tes enfants, tu accroches. Pas maintenant, en tout cas, quoi. Tu t'assois avec eux et tu leur racontes avec des mots simples, prends du temps, quoi, pour leur raconter ce qui s'est passé, ça suffit pour des enfants. Mais nous, enfin, pour des adultes, disons que c'est bien si on a de la matière un petit peu. Moi, j'ai lu, je recommande les visions d'Anne-Catherine Emmerich, La douloureuse passion. C'est un livre, c'est le livre d'ailleurs sur lequel Mel Gibson s'est basé, hein, pour réaliser son film. C'est encore le niveau supérieur par rapport au film, je trouve. Bon, je ne sais pas si vous connaissez Anne-Catherine Emmerich, hein, mais elle, en fait, c'était une religieuse qui a vu. En fait, elle avait des visions de tout l'Ancien Testament et elle voyait tout, en fait. Et Dieu a envoyé chez elle un poète, un écrivain allemand, donc lettré, quoi, quelqu'un qui était vraiment la personne la plus capable de retranscrire par écrit ce qu'elle lui racontait. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai lu dans ce livre que, en fait, Jésus sur la croix, il avait tous les os disloqués, parce qu'au début ils lui ont crucifié la première main sur le voilà, dans le trou, et après ils n'arrivaient pas à tirer l'autre bras suffisamment pour atteindre le trou qu'ils avaient préforé. Et donc ils ont accroché des cordes autour de son bras, ils ont tiré, ce qui lui ont disloqué en fait les épaules et le coude. Et ensuite ils ont fait la même chose pour les jambes, donc il avait aussi les os des genoux et du bassin complètement disloqués. Sur la présence de la croix dans les salles comme les salles de classe, je trouve ça fort important puisque ça rappelle la présence de Dieu. En fait, ça a poussé chaque enfant à se tenir plus correctement. De même que quand certains prêtres, des vrais, hein, des tradis en soutane, donc ils sont visibles, ils vous racontent souvent que quand ils arrivent à une gare, un aéroport, et qu'il y a une fille qui a mis une jupe un peu trop courte, pour ne donner qu'un exemple. Voilà, elle se sent un peu gênée, elle tire un petit peu, même si ça ne sert à rien. Et donc ça rappelle en société voilà, la présence de Dieu, quoi. On se met en présence de Dieu en tout lieu, en tout temps, comme on devrait, qu'il y ait une croix ou pas accrochée au mur. Mais c'est très utile pour l'homme comme style de présence. Donc je pense que c'est ça que... Ils combattent, hein, tout simplement. Et pour en revenir à ces landeurs allemands, c'est là où on voit que toute l'Europe n'est pas tout à fait jacobine. Mais c'est vrai qu'en France, ce n'est pas que la Révolution. Il y a une longue tradition de centralisatrice, comme ça, avec Richelieu, Louis XIV, ou des choses comme ça, ce qui fait que même la monarchie l'a été, avec des erreurs qui ont été charriées avec, comme le gallicanisme notamment. Mais bon, en soi... pour le modèle scientifique dont parlait Lezinko avec les Français, je crois qu'on peut le dédier une belle médaille aussi aux Allemands. Hein. S'il y a un type d'homme universel et un modèle côté allemand, c'est le côté scientifique. Au 19e et 20e siècle, ils tenaient le haut du pavé avec les bonnes écoles. C'est eux il y a Werner Jaeger en bon auteur là, qui avait réactivé un peu toute la culture des humanités et tout ça. Et bien qu'eux n'ont pas trop contribué à cette culture-là, elle est plus latine, ils ont ce bon modèle. Et assez différent, qui fait que les esprits français et allemands ont un peu de mal, parce que les Français sont plus individualistes, là où les Allemands ont l'esprit communautaire quand même. C'est beaucoup plus ancré, d'où le thème un peu plus racial présent, ne serait-ce que dans la culture, là où nous, on a tendance à trop centrer sur la langue avec laquelle on veut assimiler tout le globe terrestre. Quoi. Et du coup, qu'a décidé le tribunal administratif ? Parce que l'affaire a été portée devant un tribunal administratif, et ensuite, ils ont fait appel, l'équivalent du Conseil d'État, et le tribunal administratif a tranché, donc récemment, là, le 19 décembre, et ils ont reconnu que la croix est objectivement un symbole de la foi chrétienne, et que en accrocher une à l'entrée des bâtiments publics ne constituait pas une atteinte à la liberté de croyance garantie dans l'article 4 de la Constitution allemande. C'est pas grand-chose, c'est vrai que c'est pas grand-chose si vous voyez ça d'un regard, on va dire, très distant, on va dire même païen, mais je peux vous assurer que pour un chrétien, c'est un très bon pas, c'est un très bon pas. La croix fait reculer le diable. La croix fait reculer le péché. Si vous avez envie de, je sais pas, vous êtes un petit peu nerveux, etc. Vous êtes chez vous et vous avez finalement vous regardez la croix, ça vous calme. Vous dites bon, je vais éviter, par exemple, je vais éviter de jurer. La croix est devant moi, je vais éviter de jurer, je vais éviter de faire des bêtises. Voilà. Je vais éviter de m'emporter. Voilà. Non, c'est très très positif, hein, très positif. Après, dans la formulation, ça le dit un peu au nom de la liberté. En soi, nous, on aimerait aller plus loin de dire que c'est un devoir de l'homme d'honorer Dieu et pas simplement une petite expression de liberté, un petit peu comme le pape Léon XIII, quand il répond sur la liberté religieuse. Bon, il dit la seule véritable conception de cette formule, c'est la libre expression du vrai culte, pas des faux rites qui sont en dehors de l'Église catholique. Quoi. Là, ce qu'ils disent, c'est que... Et que si les bâtiments publics portent des croix à leur entrée, ce n'est pas une atteinte à la liberté de croyance, dans le sens où s'il y a, je sais pas, un musulman qui passe devant, il voit une croix, ah, d'un coup, hein, je suis plus libre d'être musulman. Et dans ce sens-là, et pour l'État français, disons que voilà, c'est si tu vois une croix quelque part, d'un coup, t'es plus libre de croire. Enfin, je sais pas, c'est... Ah oui, c'est ça, tu n'es plus libre de pécher. Peut-être que les libres penseurs, en fait, sont des vampires. Et tu leur présentes des croix, ils fondent. C'est une théorie comme une autre. Vous savez, il y a beaucoup de vampires qui se cachent dans des tunnels, surtout à New York. Donc, peut-être que... Ah, voilà, je dis ça, je dis rien. Certains auront compris. Oui, on retrouve des traces de sang sur le matelas qui permettent d'émettre toutes les théories possibles, n'est-ce pas? Et des poussettes, ouais. Curieux tout ça, hein. Très curieux. Ouais, bah, tu disais que c'est pas grand-chose, mais c'est un peu une bonne nouvelle. Moi, je pense que ça m'a un petit peu ouvert les yeux sur ce qui se passe en Allemagne, parce que là, c'est une bonne nouvelle sur le plan religieux, et il y a eu quand même une très bonne nouvelle, ça, je pense qu'on est obligé d'en parler, sur le plan politique. Et vu que dans notre émission, on n'est pas surnaturaliste, donc on ne sépare pas complètement la politique et la religion, là, on a deux bonnes nouvelles en provenance d'Allemagne. Oui, mais enfin, entre Allemands. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je connais cette théorie, oui. Alors, est-ce que tu Hitler revient? Pardon? Hitler revient, c'est ça? Je n'irai pas jusque-là, mais presque, en fait. Ah, là, tu m'intéresses, Nico. Vas-y, on t'écoute. Écoute, il y a eu. J'ai parlé un petit peu, j'ai introduit tout à l'heure le parti politique de l'AFD. Il y a eu une réunion secrète, en fait, en Allemagne, qui a réuni donc des membres éminents de ce parti-là. C'était dans une villa. Alors attends. Au nid d'aigle, peut-être? J'ose, je rêve. Non, attends, parce qu'en plus, c'était à côté d'un endroit où ils avaient fait une réunion, soi-disant, à Wannsee, avec Adolf Hitler et les nazis pour décider d'envoyer tous les juifs en camp de concentration. Donc, en fait, ça a fait flipper tout le monde. Ils ont fait une réunion où ils ont parlé de la remigration avec un individu qui s'appelle Martin Sellner, qui est, d'après Le Parisien, un tenant de la théorie du grand remplacement. Et ils ont donc ça a été révélé par oui, des journalistes, des gauchistes, hein, certainement, qui ont fouiné leur nez partout et qui ont trouvé que ça s'est produit. Oui, les journalistes ont souvent des nez qui. Rechercher un nazi avec des juifs, quelle drôle d'idée. Et pourquoi donc? Mais enfin, il va les reconnaître. Comment ça? Bah, je sais pas, le nez déjà. Et donc on avait des participants, on avait notamment Roland Hartwig, qui est un conseiller, membre principal de l'AFD, le conseiller du numéro 2 du parti, qui est une femme, bon, Alice Wendel. Et ils ont parlé, en fait, ouvertement du projet de ramener tous les immigrés dans leur pays d'origine, même si la préfecture leur a donné un papier qui dit qu'ils sont allemands. Alors donc ça a fait hurler absolument tout le monde. Il y a eu des manifestations dans tout le pays, notamment, hein, des homosexuels, des antifas, des juifs, des féministes, pour dire que c'était pas possible, que ça pouvait pas se passer comme ça. Sauf que ils se sont pas démontés du tout. Et il y a même eu des membres du parti, dont un député, René Springer, qui sur Twitter a enfoncé le clou. Il a dit: nous ramènerons les étrangers dans leur pays par millions. C'est une promesse Ah bah, très bien. pour plus de sécurité et de justice, pour préserver notre identité, pour l'Allemagne. Alors, j'ajoute quand même que depuis, Marine Le Pen, qui avait une alliance politique au niveau européen avec l'AFD, a pris ses distances avec l'AFD en disant: ah non, nous, Rassemblement National, on ne revient pas sur une fois que ta nationalité est acquise, elle est acquise, etc. Alors que, au passage, ils disent: attention, les clandestins, les récidivistes, on leur fait une déchéance de nationalité, puis on les renvoie dans le pays d'origine. Donc, en fait, elle dit tout au son contraire, Marine Le Pen, comme d'habitude. Mais voilà, elle Elle est voulait en absolument se opposition démarquer flagrante. des. Voilà, elle voulait absolument se démarquer des. Alors, les mecs qui sont nationalistes et allemands. Elle a pris peur, Marine Le Pen, tu vois, elle a une réputation. Elle a écouté peut-être François Asselineau, qui craint le retour du Quatrième Reich, sans doute. Non, le Quatrième Reich est un rêve voué à l'échec. Tout le monde a essayé, ça ne marche pas. J'ai dépassé ce stade. J'ai décidé de poser les bases d'un vrai nouveau monde. Un monde plus injuste, un monde plus intolérant, plus inamical. Un monde où il y aurait tout le temps la guerre, tout le temps la maladie. Ce monde. Mon monde. Le cinquième Reich. Ah bah, nationalisme et Allemagne, voilà, ça, à l'AFD, ça sent certaines années, on va dire. Oui, alors Marine Le Pen, elle a dit qu'elle était en opposition flagrante. Et elle a aussi ajouté « Jamais nous n'avons défendu une quelconque remigration ». Ce qui est un petit peu faux d'ailleurs, mais bon. Au moins, on est au courant. Voilà. Moi, je suis au courant maintenant. Ok, d'accord. Le Rassemblement National, on a environ, environ 20 millions de métèques en France. Le Rassemblement National est déterminé à garder tous ces gens. Voilà. Plus les descendants, tout ça, hein, parce qu'en plus, ils font beaucoup d'enfants. Voilà. Le projet du Rassemblement National, c'est de garder tous ces gens en France. D'accord. Ce n'est que depuis le programme Jean-Marie Le Pen, en fait, il faut remonter de pas mal de décennies pour vraiment avoir une proposition de remigration. Alors, je crois que... Alors, je suis désolé, mais sous la gauche de Mitterrand, tu avais des projets comme ça de rémigration. Puis il y a les immigrés, ceux qui n'ont pas envie de devenir français, qui veulent rester attachés à leur pays d'origine. De deux catégories, il y a les clandestins. Et il y a ceux qui sont reconnus parce qu'ils ont un contrat de travail et une carte de séjour. Ceux qui sont clandestins, il n'y a qu'une seule loi possible. Il faut, c'est malheureux pour eux, mais c'est la nécessité, il faut qu'ils rentrent chez eux. Et les dispositions doivent être prises, elles ont été prises pour cela, pour qu'ils rentrent chez eux. Et puis il y a ceux qui sont là avec leur contrat de travail et leur carte de séjour. Est-ce qu'il y en a trop ? Ce que je sais, c'est que dans les années qui ont précédé 81, il y a eu une formidable aspiration à faire venir chez nous des immigrés, sans doute parce qu'on les payait moins bien que les autres, moins bien que les Français, que les travailleurs français. On est allé les chercher par charter et par camion tout entier. On les a déversés en France, dans nos grandes usines, particulièrement de la région parisienne. Et ensuite, ces gens-là, ils se sont installés, ils ont fondé leur famille très souvent, ils ont parfois épousé des femmes françaises, ils ont vécu, et ça devient très difficile de les traiter sans nuance. Et pourtant, le gouvernement Mauroy a pris des dispositions pour faciliter leur réinsertion dans leur pays d'origine, leur donnant certains avantages pour qu'ils puissent d'eux-mêmes partir. C'est-à-dire qu'il faut réduire le nombre, bien entendu, mais il faut le faire dans le respect du droit et dans le respect des personnes. Alors, donc en fait, Marine Le Pen arrive à être plus à gauche que Mitterrand. Alors sur ce, on a eu un autre membre de l'AFD qui a déclaré carrément, lui, en public, à la tribune, dans un congrès en Saxe, où d'ailleurs l'AFD a plus de 37% d'intention de vote. Prévu. Il a dit que la remigration se chiffrera en millions. Bip, bip. Après, on a eu aussi des réactions positives en Autriche. Là, on a un parti équivalent qui s'appelle AFPO. Eux, ils sont environ à 30% d'intention de vote en Autriche. Ouais, les Autrichiens, quand ils veulent faire des choses, ils savent faire, hein, on a eu des preuves. Alors, ils nous disent que ce n'est pas un secret, la remigration, c'est un devoir dans l'intérêt du peuple. La remigration est le mot d'ordre du moment. Donc voilà, vous pouvez imaginer la réaction du système. On a parlé des manifestations, les médias juifs hurlent au nazisme. Mais bizarrement, ça a renforcé l'AFD auprès de ses électeurs, cette histoire. Est-ce que vous trouvez ça étonnant ? Vite fait, parce que c'est pas si étonnant, parce qu'ils ont appelé dans les manifs en Allemagne à interdire le parti. Alors c'est compliqué, parce que c'est quand même un parti d'opposition de poids, c'est pas rien, c'est pas le PCF avec 1%, quoi. L'AFD, ça pèse. Et les gens, ils se disent, attendez, on veut interdire un parti, parce que finalement, le mec, il dit, je fais des décrets d'application comme je l'entends sur le droit du sol et le droit du sang, ce qui s'entend, ça me choque pas plus que ça. Donc on veut interdire un parti politique tout à fait légal pour sauver la démocratie. Bon, bizarre. Oui, non, mais ça, c'est... ils feront. S'ils pouvaient le faire, ils le feraient. D'ailleurs, celui qui avait tenu cette réunion secrète, là, Martin Selner, il va être banni, hein, d'Allemagne. Donc le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il voulait le bannir comme une menace à la stabilité démocratique allemande. Donc c'est intéressant, hein, on voit que du coup, remigration, c'est contre la stabilité démocratique. Donc au moins, je pense que ça va aider quelques personnes à se faire révolutionnaire. Mais ce que j'ai constaté, c'est que voilà, ils voudraient interdire le parti, mais pourquoi ils le font pas ? Et ça passe même dans la presse en fait. Ils disent par crainte des partisans en fait de l'AFD. C'est-à-dire que là-bas, ils ont des mecs qui sont vraiment chauds. notamment en Allemagne de l'Est, et ça c'est un avantage qu'ils ont eu d'être coupés en deux pendant la période communiste, ils ont des gens là-bas qui sont vraiment chauds, tellement que le gouvernement les craint. Donc ça, c'est une autre différence fondamentale avec la France. En France, le gouvernement ne craint absolument pas les gens de l'extrême droite. Vous pouvez en témoigner, hein. Est-ce que le gouvernement nous craint ? Bah non, en effet, le peuple est trop mou, en fait, quoi. C'est ce qu'il y a dans le propos sur les meilleurs des régimes chez saint Thomas d'Aquin, qui s'appuie sur Aristote, et d'ailleurs on le retrouve dans Carl Schmitt aussi. C'est de dire le meilleur des régimes, c'est quand même la monarchie, donc monarque, la tête unique, le chef, tempéré par l'aristocratie, donc il y a quand même les meilleurs, ceux qui guident, parce qu'ils ont les qualités et la vertu, ils sont au-dessus de la masse, mais quand même un peu de démocratie. Le terme vertueux, c'est la policie en grec. Et donc là, c'est tu laisses place un peu au peuple, ou du moins voilà, une certaine partie du peuple qui est politisée et qui arrive donc à peser, parce que s'il est très mécontent, en fait, en face, ça recule. Un petit peu comme là, en ce moment, où vous avez des révoltes paysannes pas mal. Ils le faisaient dans leur village, alors l'État s'en fichait. Maintenant qu'ils remontent à Paris, il faut déployer la police. Et pour calmer le jeu, envoyer un petit chéquier, quoi. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une différence assez flagrante entre ce qui est en train de se passer en Allemagne et ce qui peut se passer en France, que ce soit au niveau des partis politiques ou... On n'a pas du tout d'équivalent de l'AFD, notamment de ce discours qui ébruite dans les discussions publiques. On parle vraiment de la remigration, de ramener ces gens là-bas. On mettait ça en parallèle avec ce qu'on a vu sur le plan religieux. Moi, j'ai un pressentiment que peut se passer encore quelque chose en Allemagne, parce qu'ils leur rôle dans l'universel en tant que peuple, c'est la direction politique de l'Europe. Donc ça, déjà, ils ont ça dans le sang. Et je pense qu'on est en train de le voir, que ça n'a pas été complètement effacé, comme par un matraquage qui a pu être fait en France, notamment. Alors, on peut ramener ça à la centralisation, hein, où l'Allemagne a mis beaucoup plus de temps à venir à l'existence en tant que nation, comparé à la France. Ils ont eu donc toute cette période communiste où la moitié du pays en fait était beaucoup moins. Enfin, ça peut sembler bizarre, mais en fait sous les communistes, tu pensais beaucoup plus librement. Donc ils sont restés en fait, j'ai l'impression, plus eux-mêmes que nous. Et voilà, moi je vois ça comme le vox populi quoi, allemand qui s'exprime sur ces sujets-là. Et voilà, moi je trouve ça très très réjouissant. Donc, j'attends pas qu'il y ait quelque chose de similaire en France. Par contre, si eux en arrivent à concrétiser, disons, ces velléités, il faudra qu'en France, il y ait des gens qui soient capables de suivre au moins, pas comme à l'époque de Maurras, etc., où toute la France, comme un bloc, s'est opposée à l'Allemagne. Il faudra savoir les accompagner et, voilà, et tendre le bras. Tu veux dire tendre la main ? Ah, le bras, d'accord. Le bras, la main, voilà, oui. Oui, d'accord. Ok. Très bien, messieurs, je vous propose de continuer notre petit tour du monde avec un nouveau voyage. Cette fois-ci, on va aller se balader à Rome. On va parler un peu du pape François. Alors, c'est pas pour faire une fixette. Vous allez dire, oh, encore, etc. Le sujet. Oui, mais là, on est obligé. On est obligé parce que le pape François veut un meilleur dialogue avec les marxistes. C'est comme ça que titre l'article du National Catholic Register. Je vous lis un petit résumé de l'article avant de commencer notre discussion. Le pape François appelle à une coopération entre chrétiens et marxistes pour favoriser le dialogue et contribuer au bien commun. Lors d'une rencontre privée avec des représentants du DIALOP, donc c'est un acronyme qui traduit, veut dire projet de dialogue transversal. Lors d'une rencontre privée avec des représentants du DIALOP, une association de politiciens et universitaires de gauche européens cherchant à combler le fossé entre l'enseignement social catholique et la théorie marxiste. Je répète, il y a des gens qui veulent combler le fossé entre l'enseignement social catholique et la théorie marxiste. Voilà, le pape, il cherche à discuter avec ces gens-là. Le pape souligne l'importance du dialogue face aux défis sociaux, économiques et écologiques. Il exhorte à un engagement inclusif dans la prise de décisions politiques et économiques, prenant la solidarité comme une nécessité de justice. Donc j'aime bien cette phrase, j'aime bien comment se termine ce petit extrait, je trouve ça magnifique, parce qu'avec des phrases comme ça, c'est tellement creux... Que cet exposé préliminaire a été fait par des laïcs, a été fait ici en Suisse, par un groupe de laïcs dont faisaient partie des protestants, C'est marqué dans le... Pas, ce petit détail n'est pas marqué, mais il est marqué « De la voici de la vie d'hommes compétents ». Ces hommes compétents, ce sont précisément ce petit groupe de laïcs choisis, évidemment, par ceux qui étaient chargés de préparer la rédaction du schéma Gaudium et Spes, et qui décrivent comment ils conçoivent le monde aujourd'hui. Enfin, voici quelques traits fondamentaux de ce monde. Parce que il faut connaître et comprendre le monde dans lequel nous vivons, ses espoirs, ses aspirations, son caractère parfois dramatique. Évidemment, on dramatise tout, n'est-ce pas? Alors ça donne plus de sel et plus d'envie de voir un peu ce qu'est ce changement. Le genre humain vit aujourd'hui une période nouvelle de son histoire. Bon, on fait bien, évidemment, c'est tout. C'est clair. Mais caractérisé par des changements profonds et rapides qui s'étendent progressivement à l'univers entier. C'est le verbiage du libéral, absolument le verbiage des libéraux. Provoqué par l'homme, par son intelligence, par son activité créatrice, voilà les grands mots, ils rejaillissent sur l'homme, sur ses jugements, ses désirs individuels et collectifs, sur ses modes de pensée. Et sur son comportement, tant à l'égard des choses qu'à l'égard des hommes avec lesquels il vit. Mais on a pu dire ça de toutes les périodes de l'humanité. Évidemment, ce qui change, ce qui se modifie dans le monde, a des répercussions sur la pensée des hommes. Et la pensée des hommes, il se communique ses pensées. À tel point, mais alors, voilà, il dramatise, à tel point que beaucoup n'hésitent pas à parler d'une véritable métamorphose sociale et culturelle. Avec des mots comme ça, avec des préliminaires comme ça, des prémices comme ça, on peut conclure n'importe quoi. N'importe quoi en conclusion. Et donc le but, finalement, voilà, vous l'avez compris, il y a la vérité biblique catholique, il y a la vérité aussi du point de vue des marxistes, et apparemment il y a un fossé, et il faudra absolument réduire ce fossé entre les deux choses qui sont incompatibles, et apparemment le pape, c'est son projet, donc bon, curieux, non ? Apparemment, là, c'est un peu un anti-pape Pie XI, parce que il me semble que dans l'encyclique Divini Redemptoris, en effet, le pape Pie XI creusait un fossé entre le communisme et le catholicisme, mais notamment parce que c'est le communisme qui creuse un fossé avec l'Église catholique. Donc là, il veut ménager la chèvre et le chou, je ne sais quoi, alors que en fait... En face, ils ne veulent pas. C'est, voilà, le communisme bolchevique et athée qui prétend renverser l'ordre social et saper jusque dans ses fondements la civilisation chrétienne, pour citer un petit passage de Divini Redemptoris. Je comprends pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un non-sujet, en fait. Sort d'un article où on a entendu les déclarations du cardinal Marx, en parfaite adéquation avec les gauchistes et les écologistes. Moi, je ne vois pas ce fossé, je ne le vois pas, je ne comprends pas à quoi ils vont travailler. Le modernisme, c'est très à gauche, mais ce n'est pas encore assez à gauche. C'est-à-dire que n'oublie pas le projet. Voilà, Elzingo, tu as oublié le projet Vatican 37. N'oublie pas, Vatican 37, le projet, il faut que le pape soit une femme noire lesbienne transsexuelle de trois genres différents, qui soit ouvertement communiste et satanique. Mais même Marx, il pensait pas à ces trucs-là. Faut croire que si. Voilà. Si. C'est le projet. C'est le projet maintenant. Voilà. Donc, tu vois, en ce moment, il y a un mâle blanc hétéro cis sur le siège de Rome. C'est encore trop. C'est trop, ça. Non, je crois que je commence à comprendre, en fait. Ça y est. En fait, j'ai compris. En fait, l'écart, il est entre moi, je vois le vieux Marx qui est là avec sa barbe, qui écrit ses milliers de pages. Avec sa pipe, etc. T'as le père Mathieu, justement, qui est là aussi avec sa pipe. Purée, la vache. Il y a du jeu de mots, là. On est dans la langue française, les calembours et tout ça. Mais en même temps, c'est ça. Hein. Ils envoient de l'eau bénite sur la loi 1905, voilà. Et les mêmes, aujourd'hui, envoient de l'eau bénite sur LGBT, quoi. Et de l'autre côté, je vois Bergoglio en train de bénir des homosexuels avec les parties coupées, etc. En fait, je pense que le fossé, il est dans ce sens-là. En fait, c'est l'impression qu'en fait, c'est les modernistes, ils sont allés beaucoup plus loin que tout ce que les marxistes auraient pu imaginer. Donc, je pense que c'est plutôt ça, quoi. C'est les marxistes, ils vont le voir, ils disent mais calme-toi, quoi. Ça va trop vite. Voilà, on peut plus suivre, quoi. Moi, c'est comme ça que je comprends cet événement. Oui, mais enfin, de temps en temps, je trouve, enfin, d'un point de vue marxiste, hein, parce que je te parle moi en tant que marxiste revendiqué, hein, pour le dire ça. Je trouve que le pape, il abuse, hein, de temps en temps, il parle de Dieu, alors que moi, voilà, je suis marxiste, on sait que Dieu n'existe pas, hein. Donc, bon, ça lui arrive pas souvent, hein. Oui, mais de temps en temps, il parle de Dieu par inadvertance, publiquement en plus, donc non, c'est trop. Oui, vu comme ça. Donc il faudrait que Bergoglio s'engage à ne plus. Qui parle d'écologie. Dieu, c'est ça. Qui parle uniquement d'écologie. Ça, c'est bien l'écologie. Il faut parler, ça. Dans les messes. Il faut faire des messes écologiques. D'ailleurs, on les fera dehors. Ouais, il fait des encycliques sur l'écologie. Ça, c'est bien. Ça, tu le laisses faire. C'est cool. Alors, il veut un dialogue avec les marxistes. Je me souviens aussi, par contre, qu'il ne voulait pas de dialogue avec Donald Trump. Moi, je pense qu'il y a quand même de lien. Donald Trump qui est protestant, d'accord, hein, il n'y a pas de souci, hein, on est au courant. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de liens, des liens plus évidents entre Donald Trump et la doctrine catholique, plutôt qu'entre les marxistes et la doctrine catholique. Hein. D'ailleurs, si quelqu'un peut me rappeler comment est-ce que le communisme a été qualifié de manière infaillible, je ne me souviens plus les termes. Intrinsèquement pervers. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, les gens veulent combler un fossé. Ouais. D'accord, mais sinon, pour les. Enfin, il y a eu combien de morts? 90 millions en URSS, enfin... Oui, enfin, c'est. Le goulag. Des goyims. Non, parce que moi, je pensais, ok, s'il veut faire des réunions pour se rapprocher des communistes, pourquoi pas? Enfin, s'il veut dialoguer avec des gens comme ça, mais pourquoi alors pas dialoguer avec les héritiers d'Adolf Hitler pour se rapprocher aussi? Ouais, mais c'est il faut discuter avec tout le monde, mais avec ceux qui veulent bien discuter. Donc Adolf Hitler, il ne veut pas discuter. Et Monseigneur Lefebvre non plus. Puis ce serait un chemin vers le rachat, s'il y en a un pour lui. Hein, Mais le rachat de quoi? On va tous au paradis. Il l'a dit, Paul Annard. Ah oui. Donc il n'y a pas de rachat. En plus, d'ailleurs, même Judas, parce que bon, les apôtres, ils ont quand même dit assez clairement, hein, que c'était mort pour lui. Hein. Alors là-dessus, tu vois, par exemple, je fais un petit bémol. C'est vrai que tous les pères de l'Église ont dit que Judas était en enfer. Mais si tu veux, ça fait partie de ces petits détails. Alors, on extrapole un petit peu. Hein. Déjà, de base, Dieu ne veut pas forcément que l'on sache. Qui exactement est en enfer, ça fait partie de la sagesse de Dieu. Oui. Mais bon, pour Judas, effectivement, vu la publicité qui a offert son crime, c'était normal que les pères de l'Église en parlent. Et donc voilà, ils ont tous conclu là-dessus sur damnation de Judas. Dans les actes des apôtres, il en parle. Il dit Judas qui est allé en son lieu. Ça fait partie. Alors je vais pas lancer la discussion complète maintenant sur est-ce que Judas est vraiment en enfer et tout, parce qu'en fait, ça fait partie de ces sujets où si vous dites par exemple que Judas, vous êtes convaincu à titre personnel que Judas n'est pas en enfer, qu'il est passé par le purgatoire, etc. Alors c'est extrêmement, extrêmement, on va dire, audacieux, tout ce que vous voulez en termes de... Mais ça vous fait pas sortir de l'Église catholique pour autant. C'est pas un truc de foi à 100%. D'ailleurs, je me souviens que même Saint Vincent Ferrier, je crois, prêchait que Judas était sauvé, était au paradis malgré son crime odieux. Ça l'a jamais fait sortir de l'Église. Mais bon, là, c'est une position quand même très, très, très à la marge. Et Jésus de poursuivre, car le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût mieux valu pour cet homme qu'il ne fût jamais né. Cette phrase a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Beaucoup d'encre. Voilà. C'est sur cette phrase que 99,99 des exégètes et des pères de l'Église et tout le monde disent que Judas est en enfer. Et c'est ce que nous disons, bien sûr, on ne peut pas dire autrement. Si Judas, même après le crime horrible qu'il a fait, et qui passe le reste des temps, hein, jusqu'à la fin du monde et dans le purgatoire, s'il finit par aller au ciel, il vaut mieux que cet homme soit né. Ça, mais c'est une évidence. Cette phrase est terrible. L'Écriture sainte, je vous l'ai déjà dit, parle souvent de ces gens inutiles qui ne servent à rien. Nati, quasi nati, sont nés comme s'ils n'étaient pas nés, ne servent à rien. Oui, d'accord. N'empêche que quiconque finira dans la béatitude céleste, ben vaut mieux qu'il soit né. C'est clair. On ne peut pas comparer les incomparables. C'est impossible. Et quelque péché qu'un homme ait fait, s'il finit en se repentant par aller au ciel, vaut mieux qu'il soit né. C'est clair. Je ne vois pas comment on peut passer. Alors on me dirait, mais il y a encore ce phénomène de Saint-Vincent Ferrier, dont je vous ai parlé plusieurs fois, que je ne croirais pas du tout s'il n'avait pas ressuscité une quarantaine de morts. Enfin, c'est un phénomène extraordinaire. Lui enseignait dans ses sermons, entre deux résurrections, il enseignait dans ses sermons que Judas est sauvé. Voilà. Je pense que c'est un phénomène psychologique de la sainteté suréminente de Saint-Vincent Ferrier. Saint-Vincent Ferrier ressuscitait les morts comme vous donnez une petite consigne à je ne sais qui. Voilà. Ce qui fait que dans la psychologie de Saint-Vincent Ferrier, il n'y avait pas de limite au pouvoir de Dieu. Mais c'est lui qui a raison. En ce sens que si Dieu avait voulu sauver, j'allais dire, Judas, malgré sa non-repentance, sa pendaison, sa trahison et tout ça, etc., pourquoi pas, dans la psychologie de Saint-Vincent Ferrier. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Mais c'est une question psychologique, je crois. Parce que les textes sont là, et on ne voit pas comment, avec des phrases comme celle-ci, Judas peut avoir sauvé son âme. Il s'était pas trompé, il prenait un antipape pour un pape aussi, lui, non ? Oui, après bon, Saint Thomas d'Aquin s'était trompé sur je sais pas quoi. Non, je rigole. L'Immaculée Conception. Mais en plus, on voit lors du schisme occident qu'il y a des saints des deux côtés, ceux qui ont cru à un antipape ou à un autre antipape. Même Sainte Catherine de Sienne aussi a fait ses choix. Donc, on voit que ça annule pas forcément le fait de vivre de la grâce et d'être saint. Oui, bon, après, Judas, il est universellement, bon, peut-être pas universellement, mais généralement, enfin, c'est vraiment, à part lui peut-être, mais moi, j'avais jamais entendu ça, hein, personnellement. C'est pas un dogme quand tu dis, mais bon. Donc c'est très très très risqué de se dire, ok, il est probable que Judas soit pas en enfer, moi je m'y risquerai pas. Quand le dogme il définit que, moi je me range et je me tais. Et quand le dogme il définit pas que, je me dis, bon, quel est l'avis, majoritaire des plus grands experts ? Il dit ça, c'est sûr à 99%, et puis fin de l'histoire. On appelle ça, oui, l'opinion commune des théologiens quand un sujet est pas tout à fait tranché. Bon, dans l'histoire de l'Église, les débats, on va dire plutôt les controverses théologiques, c'est pas tout à fait un débat démocratique. Celui-ci, c'est celui qui quand même offre le moins de marge en termes de pensée personnelle. Il y a quand même vraiment très très peu, on peut pas trop extrapoler. Et c'est intéressant que tu parles de ça, justement, Elzinko, je sais pas si t'as fait exprès, mais récemment, pas François, on y vient, hein, il était interrogé sur l'existence de l'enfer. Et quelques jours, il avait dit, ce que je vais dire n'est pas un dogme de foi, c'est quelque chose qui m'est personnel mais qui me plaît. Il me plaît de penser que l'enfer est vide, j'espère que c'est une réalité, cela me plaît. On en revient à la question de... En gros, ça veut dire, est-ce que Judas est en enfer ? Est-ce que l'enfer est vide ? Est-ce que Judas est en enfer ? Ouais, mais alors, si tu dis que l'enfer est vide, c'est comme si tu disais que l'enfer n'existait pas, en fait. Parce que l'enfer, c'est, par définition, c'est les âmes qui sont en enfer, c'est rien d'autre. C'est un lieu, si tu veux, mais bon, c'est... Si tu dis, par exemple, je crois pas au purgatoire, ben là, par contre, tu... Ah oui, là, par contre, tu sors, là, clairement, tu sors de l'Église. Oui, tu sors de l'Église, mais du coup, c'est pareil, si tu dis, je crois pas à l'enfer, c'est pareil, t'es plus catholique. Ah, voilà, l'enfer existe, c'est un lieu, mais il y a personne dedans. Enfin, d'ailleurs, il a pas dit ça, en plus, hein. Je suis obligé, quand même, c'est pas pour lui sauver la face, hein. Vous savez que nous, on prend pas spécialement de gants, on remousse. Mais bon, il a dit A, je vais pas dire qu'il a dit B, il a dit, ça me plaît à penser, j'espère qu'il serait vide. Ouais, il a pas dit, je pense qu'il est vide. Mais vous voyez, quand même, on est typiquement dans les trucs de moderno insupportables, où c'est toujours à la marge de la marge de la marge, on dit tout ce qu'on peut en termes de doctrine, de tout ce qu'il y a le plus dangereux et de sensible, complètement à la marge, de manière publique, et il y a toujours la micro-porte de sortie qui permet de dire « Oui, mais en fait, non, comme on vient de le voir pour l'histoire de la bénédiction des couples homosexuels, ça démarre par une publication tonitruante pour dire « Bon, on fait une bénédiction des couples homosexuels, oui, mais non, hors liturgie, et puis pas comme ci, peut-être comme ça, et puis finalement c'est les évêques qui décideront, mais quand même j'impose ma doctrine, et puis ceux qui me suivent pas sur ce point-là, est-ce qu'ils seraient pas en train de sortir de l'église ? J'entends néanmoins le dialogue qu'appellent les Africains, mais ils doivent quand même se soumettre à l'autorité de Rome. Oui, non, peut-être, peut-être pas. Ça va seulement si c'est les bisextiles. C'est insupportable, insupportable. On ne sait plus. Et les gens, à la fin, sont perdus. Ils sont comme ça, comme la folie que je viens de vous raconter. Ils se disent, finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Madame Michu entend ça? Elle se dit, ah bah ça y est, c'est réglé. L'Église catholique fait la bénédiction de l'homosexualité. C'est comme ça qu'elle comprend à la fin, Madame Michu. C'est de l'entourloupe, quoi. C'est comme quand ils faisaient pour le Covid. Un jour, ils te disaient, il faut mettre un masque. Un jour, il ne faut pas mettre un masque. Enfin, c'est pour te... C'est de la confusion, ça. C'est de la technique pour qu'il y ait de la, voilà, de la dissonance cognitive et que tu ne saches plus où tu es. Mais bon, quand même, quand il dit « j'espère que l'enfer est vide », ça veut dire qu'il pense que l'enfer n'est pas forcément plein. Parce que sinon, il ne peut pas espérer qu'il est vide. Or, on sait qu'il y a au moins, enfin, il y a au moins le Satan, hein, amis, et puis, il y a au moins les apparitions mariales, où la Sainte Vierge Marie dit « attention, alors peut-être qu'il ne croit pas aux apparitions mariales, juste comment est-ce que tout ça peut s'appliquer dans sa tête ?» Ou alors, c'est une manière très, très bancale de dire que « ah, bah, l'enfer n'est pas vide, il est plein ». Mais ça m'attriste en tant que pape François, etc. J'aurais préféré que l'enfer soit vide. J'espère qu'il l'est. Et que... Non, c'est pas ça qu'il dit. Mais non. Là, c'est vraiment si j'essaie de trouver une porte de sortie complètement oui, à la c'est marge. Clairement mais c'est pas le sens c'est... des paroles que tu viens de citer. C'est pas du clairement coup, pas. Moi, je trouve que ça serait hypocrite de défendre un point de vue là-dessus. Ça me semble lunaire, quoi. Lunaire. Et si jamais quelqu'un pense un truc comme ça, il est au courant, comme un petit peu, au moins des bases. De la doctrine catholique, je crois. Il sait au moins de quoi ça parle. Donc, si jamais tu penses un truc comme ça en tant que catholique, au moins, il est au courant qu'officiellement, il a le titre de pape, hein, peut-être pas reconnu par tous, mais officiellement, en tout cas, il est pape de l'Église de Vatican II. On peut pas dire un truc comme ça publiquement. C'est pas possible. Si t'es pape, tu peux pas dire ça. Tu vas égarer les âmes. C'est dangereux. Ouais, je parais ce que t'en penses, mais bon, ça fait 40 ans qu'on a cette discussion, quoi. Au bout d'un moment, voilà, quand vous voyez Wojtyla à Assise en train de prier avec les chamans ou de prendre la statue de Bouddha, de la mettre sur un autel. Bon, c'est une affaire de degré. Voilà, bon, lui, maintenant, il est au bout du bout. Mais moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup. Enfin, j'en ai rencontré quelques-unes des personnes qui se faisaient absolument l'avocat de Bergoglio parce que c'était le pape. Et puis, voilà, mais c'est rare, quoi. Enfin, la majorité des gens, je dirais, qui ne se posent pas la question, ça, c'est des moutons dans la tradition, malheureusement, hein, mais ils ne se posent pas de questions sur pas grand-chose, ils se contentent de répéter ce que disent les prêtres. Il y a un verset dans la Bible qui dit, dans l'Apocalypse, et tous les habitants de la terre seront dans l'étonnement face à la bête, en fait, face à la Babylone qui a été identifiée. Clairement, c'est la Rome apostate de la fin des temps en face de laquelle on est. Et en fait, ces habitants de la Terre qui sont dans l'étonnement, ils font que voir, regarder, écouter ce que dit Bergoglio chaque semaine, ça va toujours plus loin, et à chaque fois, ils sont dans l'étonnement, ils ne comprennent pas, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Et dans l'Apocalypse, ils sont désignés comme les habitants de la Terre, comme ceux dont le nom n'est pas forcément écrit dans le livre de vie, quoi. C'est pas si flou que ça. Enfin, voilà, si on regarde, il y a une réunion avec des marxistes pour amener la doctrine catholique proche des marxistes. Enfin, c'est clair, c'est pas flou, je suis désolé. Il y a peut-être du flou dans ces paroles volontairement certaines fois, mais si tu regardes l'image globale, je suis désolé, c'est pas du tout flou. On sait très bien vers quel côté il penche, vers le mal. Donc bon, enfin, je sais pas, ça me dépasse un peu qu'on débatte toujours sur ça. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus ouvert d'ailleurs. Alors peut-être que la géographie joue un petit peu où les Européens ont plus de mal à penser que la vacance du siège soit possible et plausible à l'heure actuelle, voire depuis Vatican II, si c'est pas Jean 23, c'est Paul VI. Mais même les structures lefévristes aux États-Unis, elles ont tendance à le penser. C'est beaucoup moins tabou qu'en France et dans le monde francophone, c'est amusant. Ils sont facilement au moins opinionnistes. Ouais, il y en a quelques-uns en France, mais ils n'ouvrent pas, quoi. Ils se taisent. Sinon, la hiérarchie risque de taper sur les doigts, en effet. Après, c'est vrai que ça pose problème. Moi, je ne dis pas qu'on a forcément plus de papes depuis 60 ans et qu'on a plus la succession apostolique depuis Saint-Pierre, elle est coupée. C'est vrai que ça pose des problèmes. Mais en tout cas, quand on regarde cette personne, quand on regarde les gens qui sont à Rome, ce clergé, les cardinaux allemands, vous allez dans n'importe quelle église, voilà, à assister à une messe, quoi. Aller voir une messe chez les modernistes, aller écouter, voir comment ça se passe, aller voir un mariage, aller écouter un prêtre. Forcément, quand il y a un enterrement, sauf si vous êtes issu de la tradition, vous faisiez face à ces gens-là. C'est les pires, même les hérétiques, les anciens hérétiques à côté, c'était des... Eux, mais je ne sais pas comment les... C'est visqueux, ils sont dans les loges de toutes les religions, sauf du catholicisme. Par conséquent, cette conjuration dont parlent les papes, le pape Pie VI, le pape Grégoire XVI, le pape Pie IX, est une chose qui existait déjà. On veut la destruction de l'Église. Cette destruction est préparée. Et ce plan qui était fait par cette conjuration que les papes ont dénoncée, cette conjuration, malheureusement, il faut le dire, tout au cours du XIXe siècle et pendant la première partie de ce XXe siècle, a été aidée par ce qu'on a appelé les catholiques libéraux. Beaucoup de catholiques n'ont pas compris ce que les papes ont demandé. Et beaucoup de catholiques ont trahi l'Église, d'une certaine manière, en essayant toujours de marier les principes de la Révolution, les principes maçonniques, avec les principes de l'Église. Ils voulaient toujours s'efforcer de demander à l'Église d'adopter les principes que la maçonnerie était en train de répandre dans le monde entier. Principe que la maçonnerie avait désigné sous ces mots de liberté, égalité, fraternité. Et sous ces mots-là, qui sont des mots équivoques, des mots ambigus, et qui peuvent être pris dans un bon sens, mais qui peuvent être aussi pris dans un très mauvais sens, et c'est dans le mauvais sens que les francs-maçons voulaient prendre ces mots, évidemment, et en faire toute une doctrine. Eh bien, les catholiques libéraux, tout au cours du XIXe siècle, ont essayé, eux, de rallier l'Église à cette nouvelle philosophie, à cette nouvelle conception du monde, à cette nouvelle conception de la société. Et les papes les ont condamnés, ces catholiques libéraux. Je puis vous lire également quelques textes du pape Pie IX en particulier, qui dénonce ces catholiques et qui estime que ces catholiques sont des ennemis plus dangereux pour l'Église que les ennemis déclarés de la religion. Surtout que si tu reconnais l'Église conciliaire comme si c'était l'Église à titre surnaturel et que tu penses que la vraie foi est chez les tradis, il ne faut pas rigoler parce que l'immense majorité des gens le pensent comme ça, et c'est des vacantistes y compris d'ailleurs, c'est tu as deux églises en fait dans le credo, il n'y en a plus une seule, sainte, apostolique et romaine, non, t'en as une où nous on aurait la foi et les sacrements, et la deuxième où c'est l'Église conciliaire, et en fait tu laisses la juridiction à des gens qui en fait professent non pas la foi catholique mais le modernisme le plus complet, et plus les années passent et plus ça s'aggrave, et on continue quand même de tourner en rond à la place d'assumer le fait qu'il n'y a qu'une seule Église, et donc si la foi on l'a, on a probablement quelque chose, voilà, au nom de la situation extraordinaire. Évidemment, ça se passe plutôt ici. Et lors du schisme occident, comme je l'ai cité tout à l'heure, il y a eu le concile de Pise qui a été fait un peu à la va-vite et qui a été infructueux parce qu'on élit un troisième pape en disant les deux autres vont se déposer, mais ils ne se déposent pas. Donc, ça a aggravé le truc. Il y a eu trois papes ou potentiellement trois antipapes, quoi. Et celui de Constance, c'est-à-dire rien à voir avec la ville de Rome, hein, ça se passe en Allemagne, quoi. En Constance, 5 ans après, ce concile-là est fructueux. Pour le coup, il y a une publicité suffisante et une universalité suffisante de la part des évêques, si bien qu'ils ont assumé le fait d'élire leur tête visible, les électeurs, les évêques de l'époque, et que, pour le coup, les autres antipapes se sont déposés au nom de... Voilà, du bien commun, simplement, de l'Église catholique. Et enfin, on a eu notre tête visible. Et c'est ça, la chose qui est la plus importante, d'ailleurs, c'est de recouvrer une autorité légitime et visible. Qu'est-ce que l'Église a toujours fait quand on venait à manquer d'un pape, surtout si on considère qu'en plus, il n'y a pas de pape? Ce qu'elle a toujours fait dans son histoire, c'est en élire un, mais par contre, en bonne et due forme, de bonne sorte, voilà, avec les évêques ensemble qui se mettent d'accord, et toute une série de choses qui fait que, même aujourd'hui, c'est sûr que ça tiendrait du miracle, ou alors il faudrait un quatrième Reich compatible qui soutienne l'activité éventuellement, l'Église a en elle-même les moyens de faire subsister son existence et de conserver le dépôt de la foi. Mais bon. Oui, non, mais je connais ce courant-là. Après, pour le Concile de Constance et les trois papes, ils ne s'étaient pas tous. Il y en avait qui avait refusé. Alors, je ne m'en rappelle plus exactement le nom, mais celui qui, en tout cas, avait été élu par les cardinaux, avait accepté, effectivement, pour cesser la confusion, de déposer la tiare et de remettre ça au Concile où les cardinaux étaient aussi présents. Mais ça ne règle pas le problème d'avoir une Église normale avec sa hiérarchie et sa juridiction qui est indéfectible, qui est obligatoire en fait. C'est pas simplement, c'est des vacantistes qui pensent que juste tant qu'il restera quelqu'un qui croit dans son coin, qui a la foi, il sera à l'Église. Non, l'Église, sa hiérarchie est indéfectible. Oui, elle doit durer jusqu'à la fin des temps, et c'est deux fois comme tu le dis. Mais par contre, lors du schisme occident, certes des antipapes, par contre... ils professaient tous la foi catholique parce que les gens de l'époque étaient catholiques. Là, on a quand même un Vatican II où ça, c'est voilà, très certainement des antipapes, c'est possible, mais alors ils professent pas du tout la foi catholique. En plus, c'est même pas un visque d'élection. Oui, ça facilite, à la limite, l'élection paraît plus régulière, mais en fait, tout le reste, ça va pas. Quoi. Oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le poisson, la tête de l'Église, qui engendre tout le reste de l'Église, en fait, tout part du pape. Hein. Elle ne peut pas pourrir d'un coup. En fait, tu ne peux pas avoir d'un coup une série de papes qui sont vraiment des papes, voilà, le clergé romain, les élits, cardinaux, etc. Et d'un coup, hop, c'est plus un pape. Ça peut pas. Ah, ça va du haut vers le bas en plus. Quoi. C'est vrai que bon, là, nous, on est un peu à corriger les encycliques de Bergoglio ici ou là, mais en fait, si les papes, il est censé être au-dessus. Si tu lui obéis, c'est ça l'absurdité de la position de la fraternité Saint-Pédis. C'est que voilà, il est pape, mais je ne lui obéis pas, et au final, c'est moi le pape. Quoi. C'est ça le. Ouais, je crache pas sur les gens qui sont à la fraternité. Moi, je vais à la messe à la fraternité, hein, je le dis, j'ai pas de honte. Je considère que de toute façon, c'est une situation qui. C'est difficile de dire, ouais, c'est ça qui se passe. Ou en tout cas, si tu penses avoir la solution, faut pas accuser les autres. Non, toi, tu comprends pas. Moi, ces guéguerres de chapelle dans la tradition, c'est absolument insupportable. Et c'est ce qui se passe en France, hein, malheureusement. Mais il s'est passé quelque chose que la majorité d'entre nous ignore, c'est dans le secret de Dieu, mais il s'est passé quelque chose pour passer d'une église en ordre avec un vrai pape à ces gens-là. Je ne pense pas qu'il est dans notre pouvoir de régler ce problème-là. Je pense que ça viendra de Dieu. De fait, ça viendra de Dieu, mais il y aura quand même des yeux humains qui vont constater le fait qu'il s'est passé quelque chose de concret. C'est ça aussi, donc comment ça peut avoir lieu ? Il y a des pays marxistes hein, à l'heure actuelle, comme le Nicaragua, qui sont férocement anti-chrétiens. Donc Bergoglio, il fait ce discours à un moment où, si tu es dans ce pays-là, l'actualité, enfin, tu fais qu'est-ce qu'il raconte, il est fou. Là. Et l'autre truc, là, sur l'enfer, bah, en effet, il fallait la sortir, celle-là. Il a vraiment le génie de trouver des petites phrases alambiquées comme ça, de toujours faire... Ah, selon mon point de vue personnel, c'est un petit peu comme les bénédictions d'homosexuels, genre non, mais vous inquiétez pas, si ça fait polémique, ne le faites pas. Donc tous les Africains lui disent, bah on va pas le faire du coup. Mais les archevêques entre guillemets allemands, suisses et tout en Europe centrale, là ça va le faire à fond. Et ouais, pareil sur l'enfer, ça fait très subjectiviste quoi, sa sortie, genre aucune réalité extérieure qui s'impose à nous. Je vais regarder dans le catéchisme. Ah oui, le catéchisme dit ça quand même. Non, c'est j'aimerais bien, selon ma préférence, tac tac tac, je me gratte le nombril, qu'il n'y ait personne en enfer. Et finalement, c'est plutôt pas mal pour nous, parce que visiblement, les nazis Adolf Hitler n'y sont même pas. Donc tant mieux. Comme ça, cette fois, par contre, non ? Pardon. Exactement. Ah, mais faudrait lui répondre ça. Faudrait lui dire : et Hitler, alors, comment il est où ? Eh ben là, il te répondrait, là, il dirait, ben là, par contre, lui, ce salaud, ben lui, il y est, par contre, avant Judas. Pas vide, alors toi aussi, tu peux y aller. Ben, il avait remarqué qu'il y avait des gens, des fidèles, enfin des catholiques, qui remettaient en question sa papabilité. Papa. On peut dire un peu avec un mot latinisant. Ça le déprimait, il était au courant que des gens remettaient ça en question. Comme Monseigneur Sáenz de Arriaga, ça remonte à l'époque, mais bon, comme il y en a encore aujourd'hui, le Vatican a quand même vent de tous ces courants tradis, c'est-à-dire quand ils savent que ça existe. Et je pense que ça les inquiète aussi en termes de démographie, de réussite dans le temps, puisque les rites traditionnels ont tendance à attirer bien plus. Alors, je ne sais pas pour les autres pays, mais en France, en tout cas, c'est flagrant. Les modernistes, on l'a déjà dit plusieurs fois, sont remplis de vieux. Les églises modernistes sont vides, et quand elles ne sont pas vides, il y a des vieux. Donc, et c'est problématique. Oui, des Africains, voilà. Donc, c'est problématique quand on veut parler sur l'avenir. Et puis, prêtres modernistes, c'est déjà limite, mais des prêtres modernistes formés dans les séminaires en Afrique, on peut te laisser imaginer le niveau de formation. Normalement, un prêtre, à la base, c'était 11 ans d'études, c'était 7 ans au séminaire, et après, il assistait un prêtre dans sa paroisse pendant 4 ans. Là, il n'y a plus aucune forme, enfin, il n'y a plus rien. Ils sortent, je sais pas, ils leur donnent des crayons de couleur, ils dessinent, enfin, je ne sais pas ce qu'ils font, mais... ils sortent, voilà. c'est gravissime tout ça. Et au niveau des baptêmes aussi, j'ai regardé un peu les statistiques d'évolution de la religion. Alors, il y a deux où je voulais revenir. Alors déjà, c'était voir ce qu'on doit aux boomers. Parce que bon, c'est quand même grâce à... Sans eux, ce ne serait pas possible tout ça. Donc il y a des sondages au niveau de la pratique hebdomadaire des jeunes. Donc, 20 et 34 ans, est-ce que vous pratiquez la religion ? En 1964, il y avait la plupart des gens qui pratiquaient jamais, enfin 38% qui pratiquaient jamais, mais il y en avait quand même 33% qui pratiquaient de façon hebdomadaire. En 1975, donc juste après mai 68, on tombait à 12,5%, on passe de 30% à 12,5%, avec Daniel Cohn-Bendit, Révolution sexuelle. En 2000, on était tombé à 2%. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. Il y a 2%, là aujourd'hui on devait être à 1%, 2%, 1% des jeunes qui pratiquent hebdomadairement. Et ça peut être la messe, ça peut être une prière, ça peut être n'importe quoi. 2%. Après, l'autre statistique qui est inquiétante, c'est au niveau des baptêmes. Parce que bon, avant, il y avait... dans les années 60, c'était quasiment toutes les naissances, une naissance, un baptême. Donc, on avait 700 000 baptêmes par an. Une naissance, un baptême, c'est une bonne formule, ça, d'apostolat. C'est pas mal, ouais. Vas-y, écoute, je t'ai quelque chose. En 1964, tu vas nous sortir du désert. 12%. On est tombé... tous les 5 ans, ça tombe. 1975, ça passe, on perd 100 000, 200 000. Et aujourd'hui, 2019, il y a eu 200 000 baptêmes, ce qui représente 26% du total des naissances. Donc, il faut savoir que le baptême, il est nécessaire pour le salut. Donc, c'est pas très engageant, disons, pour malheureusement le salut des gens qui sont des bébés à naître. Quoi, parce que bon, la plupart des apostats qu'on connaît, des boomers et tout ça, ils ont quand même été baptisés. Donc, admettons que sur leur lit de mort, ils aient un acte de contrition. Bon. C'est sûr, quand on écoute les boomers parler, je ne sais pas si vous... moi, ça m'est arrivé cette semaine, donc j'ai pu... Dans un bar, je les ai écoutés parler, c'est inquiétant. Mais ils peuvent encore se convertir sur une mort et aller au paradis. Et ces 75% de bébés là, qui naissent aujourd'hui, ils sont moins de quelque chose d'extraordinaire, ils n'iront pas, quoi. Personne ne sait que si les boomers vont réussir à sauver au dernier moment. Alors, je dis bien, tout est possible. On peut, quelqu'un, il mène une vie bizarroïde toute sa vie, puis il enchaîne un mensonge, un autre mensonge, etc. Et puis après, il faut changer comme ça à la fin de sa vie. C'est compliqué, hein. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est à mon avis, c'est en termes de probabilité, on s'arrange pas les choses en faisant un truc pareil. Alors oui, effectivement, il y a des cas où les gens ils prennent peur et puis ils arrivent à se convertir comme ça un peu à l'arrache. Genre le bon larron. Alors le bon larron s'est converti, pourquoi pas le bon daron, si vous voulez, mais il y a aussi le mauvais larron, faut pas l'oublier lui. Hein. La plupart des gens... le bon boomer et le mauvais boomer. Non, la plupart des gens, ils font pas ça. Hein. Et c'est une bonne chose, quelque part, on parlait de l'enfer, c'est une bonne chose cette peur de l'enfer, ça permet de pas y aller. Si jamais tu médites un peu sur l'enfer, tu te dis, ah oui, effectivement, ça a pas l'air sympathique, et peut-être au moins, pas sous le coup, mais au moins sur ton lit de mort, t'y penses et ça permet de te sauver. Mais le lit de mort, vous savez, Vous savez pourquoi est-ce que la prière du matin est plus importante que la prière du soir? Parce qu'en fait, la prière du matin, ça va déclencher ta journée, donc c'est important de le faire le matin. Je dis pas qu'il faut pas la faire le soir aussi, si vous avez pris la bonne habitude de faire la prière du soir, faites-la aussi, c'est très bien. Mais c'est plus intéressant, je trouve, de la faire le matin. D'ailleurs, le clergé ne s'y trompe pas, le clergé commence une grande partie de tout ce qu'il a à faire le matin en termes de prière. Mais c'est aussi une manière de dire, ah bah tiens, je me suis réveillé ce matin, merci. Parce que ça arrive à plein de gens de ne pas se réveiller les matins, et de ne pas avoir de lit de mort. Ils se couchent le soir et se disent, forcément, je vais me réveiller le lendemain. Ben non, pas forcément. Et puis tu peux très mal tomber. D'ailleurs, pour vos prières du matin, vous faites quoi? Parce que vous savez, il y a les prières du matin toutes préparées, toutes cuisinées dans les... Dans le petit livre bleu. Ouais, Ouais, c'est celle-là, moi, que je fais. Hein, parce que, ouais, vous avez des prières classiques aussi du matin, du réveil et tout ça. Moi, je fais plutôt ça, mais ça dépend. Et c'est vrai que Elzinko lance un bon sujet, c'est qu'on devrait faire plus souvent des oraisons un peu libres, non pas qui remplacent toutes ces prières, mais qui viennent compléter ou commencer l'oraison. Ouais, mais parce que si je vous parle de ça, c'est que... J'ai lu un petit peu du Joris Karl Huysmans, hein, qui c'est un écrivain qui s'est converti à la fin du 20e siècle, début 20e. Et bon, il a passé la plupart de sa vie cathée, quoi. Et il découvre un petit peu, parce que quelqu'un de très intelligent, qui fait des. Enfin, voilà, il est capable de faire des descriptions psychologiques ou même des descriptions vraiment incroyables. Et il observe en fait les milieux tradis, quoi, milieux catholiques. C'est un critique d'art, donc il est vraiment ce qui le frappe en fait, qu'il pousse aussi à la conversion, c'est la beauté du Moyen Âge, la beauté du plein champ, la profondeur des cathédrales et tout ça, l'art chrétien, les peintures, etc. Et il sent vraiment la décadence en fait avec le temps, à partir de la Renaissance en fait. Et il dénonce en fait ces espèces de catholicisme mécanique, quoi, qui trouve, il appelle ça des bondieuseries, quoi, mais et il cite en exemple certaines prières qui, en fait, il dit qu'il y a des fois, en fait, c'est pas sincère, en fait, c'est juste, tu te fais dire des trucs, oui, mon Dieu, je pense que machin, et je trouve qu'il a touché du doigt quelque chose de vrai, en fait. Faut pas dire quelque chose, tu le penses pas profondément, donc des fois, c'est mieux de faire une prière où simplement, tu te réveilles le matin et tu réfléchis au fait que t'es en vie, tout simplement, et tu le remercies simplement, et tu lui parles. Tu fais ta prière du matin, en gros, à peu près la même chose que ce qu'il y a dans le texte, mais spontanément, quoi. Et je pense que c'est bien d'un peu varier pour pas justement rentrer dans ce côté vraiment mécanique, et parce que je pense pas que ça... C'est sûr que c'est mieux que rien d'avoir des prières comme ça, mais faut aussi avoir peur qu'à un moment donné, si notre cœur il est complètement déconnecté de ce qu'on dit, ben, Dieu, il nous regarde et il dit, mais c'est quoi ça? Ouais, bon, après, je te cache pas que je vois très très clairement l'utilité à titre personnel, hein, complètement personnel, du fameux petit livre bleu. Pourquoi? Bah parce que les gamins, j'ai des gamins, donc je peux vous assurer que la prière du matin, faut être créatif et faut savoir s'adapter, hein. Sinon c'est compliqué. Ah oui, c'est sûr. On continue notre tour du monde, messieurs, et je vous propose de faire un petit arrêt dans un pays laïque, crypto-communiste, qui s'appelle la France, je ne sais pas si vous connaissez, et on va parler d'éducation, justement, hein, on est encore dans le ton, d'éducation nationale, avec la nouvelle ministre qui s'appelle Amélie Oudéa-Castéra, qu'on va appeler AOC, hein, parce que c'est plus simple. Une question de monsieur François Piquemal. Oui, madame la ministre, il n'est pas question de remettre ici en cause le travail que vous aviez effectué quand vous étiez une des dirigeantes de la Fédération française de tennis, mais comprenez qu'on puisse s'interroger, notamment au niveau du sport amateur, qu'une dirigeante de fédération, je prends votre cas puisque c'est celui qui est exposé ici, touche 500 000 euros par an. L'argent n'a jamais été mon moteur. Aujourd'hui, dans les fonctions qui sont les miennes, là encore, je divise par X ma rémunération, et le sujet, c'est la passion, c'est l'investissement. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée. qui était donc nommé ministre de l'Éducation nationale et qui enchaîne bêtise sur bêtise, à peine nominé, notamment parce que parce que madame ne veut pas avoir rien avoir à faire avec la jungle des métèques et qui sont dans l'éducation publique. Donc madame place ses enfants dans le privé, de très bonnes écoles à Paris, très très très bonnes écoles. Donc je vais pas lire tout l'article que propose France Info sur les déboires de la nouvelle ministre à peine nommée. Je vais juste lire une petite chronologie. Donc elle est nommée en tant que ministre de l'Éducation nationale. Mediapart fait des petites révélations. On apprend que ses enfants sont dans le public au fameux lycée Stanislas de Paris, dans le 6e arrondissement, lycée très très très très bien classé, où il n'y a pas de diversité ethnique, tout ça, non, il n'y a pas de problème. Elle est dit, oui, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, le public, c'est de la merde. Alors elle n'a pas dit ça comme ça, mais c'est comme ça que les gens ont compris. Et, alors madame la ministre, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que l'éducation nationale dans l'enseignement public, c'est pas dingue. Elle avait dit, bon, les heures n'étaient pas remplacées, elle était à deux doigts d'insulter les profs, l'ont mal pris. L'ex-institutrice de son fils affirme au journal Libération que c'est des bêtises et qu'elle n'a jamais été absente, contrairement à ce que dit la ministre. Et la ministre décide de maintenir sa version des faits. On l'accuse de mensonge, l'enquête est en cours, tout ça. Voilà, beau cafouillage pour une entrée en matière. Ouais, ben, je voulais d'abord reparler du nouveau gouvernement, là, suite à l'affaire de la loi immigration. Il a dit Emmanuel Macron a nommé un nouveau premier ministre. Donc ce n'est plus Elisabeth Borne. Comment on dit déjà Bornstein. Enfin, je veux dire, c'est la liste de Schindler. Hein. Oui, Bornstein, voilà, le nom de son père qui a, je ne sais pas pourquoi, changé son nom de Bornstein à Borne. Allez comprendre pourquoi. Moi, je n'y comprends rien. Reprenez maintenant ces gens-là, les Juifs. Ils se font tous raboter le pif et raccourcir le nom. Alors, on ne les reconnaît plus. Donc, il a nommé à la place qui il a nommé donc l'ancien ministre de l'Éducation, justement, Gabriel Attal, qui n'est pas du tout juif, il n'est pas du tout homosexuel. Et donc, voilà, tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être juste à côté d'une journaliste, figurez-vous, une Parisienne. Alors, elle a discuté avec une autre Parisienne. C'était... je ne sais pas comment j'ai fait pour pas me lever et me livrer à, les déporter. À des crimes de guerre. Oui, c'était pas facile. Et j'ai entendu pas mal de choses intéressantes. Et elle a dit qu'elle trouvait Gabriel Attal beau. Donc je voulais quand même, je voulais quand même le reporter ici. Donc les jeunes femmes journalistes qui écrivent au Figaro trouvent Gabriel Attal beau, qui sont modernistes, qui sont censés être catholiques. Et donc, Emmanuel Macron, il ne peut plus se représenter, donc là, ils sont probablement en train de placer leur pion. Leur futur champion, c'est sûrement le juif, Gabriel Attal. Donc, mais elle avait peur qu'il le lance un petit peu tôt, parce qu'il reste encore 3 ans, donc il sera peut-être un petit peu grillé. Bon, bref. Juif et pédé, t'as tout pour réussir. Voilà, et il a nommé donc une nouvelle ministre de l'Éducation qui était déjà ministre des Sports. Alors donc maintenant, elle est ministre de l'Éducation et ministre des Sports. Au passage, je voudrais quand même mentionner une bonne mention pour les affaires étrangères. Gabriel Attal donc, a nommé son amant, donc homosexuel notoire, Stéphane Séjourné. Oui, mais il a dit qu'ils n'étaient plus ensemble, voilà. Donc, vu qu'ils ne s'embrassent plus, c'est pas gentil. Au Maghreb, ils ont fait des titres d'articles sympathiques. Je ne sais pas s'il ira faire une visite diplomatique au Maghreb, ce monsieur, mais... En Afrique noire aussi, oui. Ils avaient dit qu'il n'était pas trop le bienvenu parce que c'était sa pratique à la maison était un petit peu trop sortie en dehors de la maison. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'avec Macron, c'est peut-être un peu plus caché, mais ça n'est pas si loin, finalement. Oh, il ira peut-être en visite en Thaïlande. Ils appellent tous les défenseurs de la dignité humaine, c'est-à-dire pas vous, à envoyer un courrier immédiatement au ministre de la Culture, mon ministre de tutelle, Frédéric Mitterrand. Mais on est tranquille, l'autre, à mon avis, à cette heure-ci, il est en Thaïlande. en train de se faire masser l'oignon, l'autre, parce que... Hey, il a écrit un bouquin sur sa rondelle, il était heureux. Il n'a pas mis les photos, mais c'était tout juste. Hein. Il commente à l'étranger l'affaire Jean-Michel Trogneux, hein, dans ces pays-là. Donc, ils sont aussi au courant qu'avec Macron... ils disent dans ces pays, en fait, que la France est le pays du diable, en fait. Mais ils ont raison, pour le coup. Hein, mais ils ont compris que... En fait, ça se passe beaucoup mieux dans les pays d'Afrique, dans les pays de l'Algérie, c'est beaucoup mieux que chez nous, en fait, on croit que... Non, mais la remigration, c'est dans les deux sens, hein. Moi, il faut me remigrer en Afrique, finalement. Non, mais ils vivent beaucoup mieux là-bas. On sera heureux. Bon, en Afrique du Sud, hein, tant qu'à faire, on va choisir un pays où il reste quand même deux, trois blancs. Ils le disent haut et fort, parce que, bon, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'affaires avec nous. Après, des pays un petit peu plus importants, comme la Russie, comme la Chine, bon, voilà, ils ont des contrats commerciaux avec nous, donc ils ne vont pas se mettre à nous insulter, à tirer l'arigot, mais ils n'en pensent pas moins. Hein, vous voyez le ministre qui en visite à Pékin, impossible de prendre au sérieux la France, quoi. Désormais, même on pense à l'époque de Chirac, mais à l'époque de Chirac, bon, c'était un escroc, d'accord, mais bon, mais encore, au moins, tu pouvais... En tant que Français, tu pouvais dire, voilà, bon, il a la classe, on est quand même représenté, il représente un petit peu là, cette classe à la française. Maintenant, je voulais rapidement revenir replacer le contexte du nouveau gouvernement et nommer donc Amélie Oudéa-Castéra, qui est déjà ministre des Sports, ce qui semble un petit peu, parce que bon, quand on connaît l'état de l'éducation nationale, de nommer un ministre qui a aussi en charge un ministère aussi important l'année des Jeux Olympiques, c'est déjà un peu se foutre de la gueule du monde. Enfin, c'est faire comprendre qu'on n'en a pas grand-chose à faire de l'institution. Voilà, il est nommé cette Amélie Oudéa-Castéra. Donc, je pense que c'est intéressant déjà de s'arrêter sur son profil. Je ne sais pas si vous avez bugué sur son nom. Vous la connaissiez ou pas du tout ? Non, pas du tout. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est européen, mais genre, peut-être Espagne ou je ne sais pas, mais un peu étrange comme nom. Alors, elle est certainement féministe parce qu'en fait, Castéra, c'est le nom de son père et Oudéa, c'est le nom de son mari. Donc, c'est genre la fille qui veut garder son nom, son indépendance en se mariant. En fait, elle incarne vraiment le... En fait, dans sa famille, il y a tout, quoi. Il y a Israël, il y a les médias, il y a Big Pharma, il y a la banque, il y a la pub. Je vais vous dire... Son pédigré de sa famille. Donc son père, c'est Richard Castéra, qui était directeur de Publicis. Publicis, en gros, c'est l'une des plus grandes agences de communication de pub dans le monde, qui a été créée par Marcel Bleustein. Publicis, c'est quand même très juif, quoi. Je veux dire, bon, on disait que... Ah bah, Publicis a été fondé par quelqu'un qui était juif. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent, vous savez. Alors, je sais pas, on m'a dit, je sais pas si c'est fondé, mais je crois qu'on m'avait dit qu'on ne pouvait pas... si on n'était pas juif, on pouvait avoir les principaux postes de direction à Publicis. Bah, selon, voilà. Bah, si on vous l'a dit, alors... Bon, je ne sais pas. Ah bah, on ne sait pas, on ne sait pas. Si on vous l'a dit... C'est quoi, vos sources? Je crois que c'est Le Pen qui m'avait dit ça. Ah bon, c'est sur Le Pen, je comprends mieux. Actuellement dirigé par un individu qui s'appelle Arthur Sadoun, donc un nom très auvergnat. Bien déjà, c'est une religion qui interdit les saucisses, il me semble. Et rien. Faisons comme si c'était normal, après tout. Donc, c'était le job du père. Son oncle, c'est Alain Duhamel, de BFM TV. Patrice Duhamel, au passage. Donc là, on a le journaliste donc de BFM Drahi. Ils n'ont pas de problème à succéder aux Juifs dans sa famille parce que son mari, donc Frédéric Oudéa, alors il est actuellement président de Sanofi. Sanofi, ça doit parler à nos auditeurs, hein, après cette période, où il a succédé à Serge Weinberg. Et auparavant, il était directeur à la Société Générale. Marie, donc elle est vraiment, en fait, elle représente la classe dirigeante dans toute sa quintessence. Donc, elle est nommée. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, à la base, qu'est-ce qu'il y a au fond de cette histoire? Il y a une attaque contre le catholicisme, enfin, en tout cas, parce qu'il... Bon, c'est un lycée, le lycée en question, c'est le lycée Stanislas, dans le 6e arrondissement de Paris. Alors, 6e arrondissement de Paris, je vous encourage à regarder le prix au mètre carré, c'est intéressant. Je crois que c'est 15 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, même si vous avez votre enfant qui est dans le public au 6e arrondissement, ce n'est pas le 9-3, enfin, a priori, il n'y aura pas trop de problèmes. Mais les médias, en fait, avaient lancé, en particulier Mediapart, ils avaient sorti une enquête sur ce lycée pour qui avait provoqué une enquête administrative où il disait que c'était des ultra réactionnaires, des sexistes, des homophobes. Il montrait des livres de catéchèse où, en décompte, il était dit que avorter était tuer, des cours de première homophobes. Donc voilà, c'était passé avant. Il y avait une enquête administrative qui était lancée. Et en fait, AOC, elle est en charge, en tant que ministre de l'Éducation, de ce dossier-là. Donc il y a peut-être un lien qui a fait que l'Obs et le Mediapart ont fait ces révélations. Et elle, donc le lendemain de sa nomination, elle répond, je vous encourage à regarder la vidéo, où elle est à côté de Gabriel Attal, qui vient de la nommer. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école Littré. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. En fait, elle aurait mieux fait de fermer sa gueule, c'est-à-dire on lui demande alors pourquoi ton enfant il est dans le privé. Le mieux, c'est de dire écoutez, ça ne vous regarde pas, ou je ne sais pas. Mais là, on voit qu'elle se lance dans une improvisation. Tu vois Gabriel Attal qui est là, qui regarde, oh putain, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle va raconter? Elle dit voilà, oui, mais en fait, et puis elle invente, en fait, au final, elle a inventé un bobard. Elle me dit oui, ben, comme des centaines de milliers de familles en France, j'ai considéré la solution du privé. Je pense que la plupart des gens n'ont pas le fric pour faire ça, mais bon. J'ai considéré la solution du privé parce qu'il y avait des absences répétées qui n'étaient pas remplacées. Et voilà, et elle baragouine comme ça. Et au final, ce n'était pas vrai. Hein. Il y a en fait Libération qui a retrouvé l'institutrice de l'époque, qui a dit qu'il n'y avait pas d'absence. Ils ont trouvé un agent de l'éducation nationale de l'époque qui a dit qu'il n'y avait rien. Ils ont trouvé une parent d'élève de la même classe qui a dit qu'il n'y avait rien. Alors au début, elle a dit que non, elle a maintenu, mais après, elle a dit c'est vrai que leur témoignage suggérerait qu'en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Papa, je joue un petit peu de flûte. Ouais, voilà. Et moi, ce que je trouve marrant, c'est que en fait, à la base, il y a cette haine du catholicisme. Voilà, ils veulent faire tomber un lycée catholique. Et en fait, on se retrouve avec cette élite. En fait, du coup, l'enseignement catholique, bon, ce n'est pas traditionnel parce que c'est du sous-contrat, mais quand même, il y a quelque chose, va se retrouver protégé par cette l'élite en fait, parisienne qui veut échapper en fait, à la catastrophe qui est devenue l'éducation nationale. Alors, cette même élite qui, justement, détruit le catholicisme en France. En fait, ce qui se passe, c'est que le système est en train d'abandonner volontairement l'éducation nationale. Ce qu'il démontre, ben, c'est déjà la réaction de colère des syndicats et des profs, en fait, qui se sentent visés par les propos de la ministre, et sachant que ça se passe, voilà, ils travaillent dans des conditions dont tout le monde a eu vent, je pense. Le gouvernement qui choisit une ministre qui, clairement, elle n'en a rien à foutre de l'éducation nationale. Sinon, elle ne dirait pas ça. Elle prendrait des précautions. Donc, là, tout le monde s'est rendu compte qu'elle n'en a rien à foutre de l'éducation nationale, mais on ne va pas nous faire croire que le gouvernement, il n'avait pas pu faire une enquête pour se rendre compte qu'elle n'en avait rien à foutre. Il devait le savoir. Et ils ont quand même choisi de la nommer première ministre. Donc ça donne un indice que le système n'en a plus rien à faire de l'éducation nationale. Et ils sont que cette élite veut quand même pouvoir y échapper, donc ils mettent leurs gosses dans des écoles privées, etc. Mais en fait, son initiative à elle, elle est bonne, hein, en vrai, elle préserve ses enfants. Le problème, c'est qu'en devenant ministre, tu es en train de dire que l'école publique, c'est de la daube, alors que tu arrives à sa tête, quoi. Elle est là, l'énorme bourde. Mais en soi, c'est un véritable plaidoyer pour quitter, enfin pour les écoles privées tout simplement, quoi, ou l'école à la maison à la limite. Bon, après, ils font pas rien. Hein. Le 20 janvier, on a Attal qui nous a annoncé un nouveau programme, votre avis, qui concerne quoi? Le sexe des enfants. Ah, pas que. C'est un programme d'éducation à la vie sexuelle. Gabriel Attal s'y connaît, hein, Bobby. Et aussi à la vie affective et relationnelle, parce qu'ils veulent se marier, ils sont amoureux, ils ont des relations comme toi et moi. Ah, alors, je suis pas sûr. Par contre, là-dessus, sur le dernier point, ça me... Ouais, c'est problématique. Alors, c'est un homosexuel, donc, revendiqué. Hein. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui, il y a 10 ans seulement, se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. qui va apprendre la sexualité à nos enfants. C'est ça le pitch, donc. Ah, il a fait une GPA, hein, Gabriel Attal, donc c'est violent quand même. Hein. C'est le fait d'adopter un enfant et tout par voie médicale, machin. Quoi. Ouais, ouais. Et pourquoi est-ce que les homosexuels, ils veulent absolument parler de sexe à nos enfants? Vous avez remarqué quand même cette habitude? Bizarre, non? C'est curieux. Ah, parce qu'ils veulent coucher avec, hein. C'est simple. Hein. La deuxième habitude aussi, et que je n'apprécie pas d'ailleurs à titre personnel, c'est le côté d'être accepté. Le moindre inverti qui passe à la télévision, c'est être accepté. Et en fait, c'est ça, quoi. Ils peuvent pas juste faire leurs bêtises dans leur coin. Non. Dans l'absolu, on veut pas savoir. Non, il faut qu'ils hurlent et que quand ils ont terminé d'hurler, toi, tu dises ah oui, ah. Ah, je vais te faire des bisous. Voilà, c'est ça, quoi. C'est triplement insupportable, quoi. Ouais, mais c'est un mécanisme psychologique très bien documenté, en fait. C'est quand tu violes la loi morale, quand tu pèches, tu as ta conscience qui te le reproche. Donc la conscience des homosexuels reproche ces actes contre nature. Et donc la seule solution qu'ils ont, c'est soit se convertir, soit se dire non, en fait, c'est la société qui me fait croire que c'est mal, mais en fait, c'est bien. Donc, il faut que je parte en croisade dans la société pour faire reconnaître que, en fait, l'adultère, c'est super. J'ai pas envie de préciser ce qu'ils font, mais que c'est super aussi. En fait, c'est l'irrepentance qui engendre cette transformation du pêcheur privé en révolutionnaire politique. Et t'es à l'école, t'obtiens une très mauvaise note, t'as un petit 4 sur 20. Oh, et ben, t'es content si ton camarade à côté, il a aussi 4 sur 20. Ça change pas ta note. Mais t'es content, au moins t'es pas tout seul. C'est comme ça qu'ils évoluent. Oui, ça aussi. Comme quand tu bois, en général tu veux pas boire seul. Mais à votre avis, pourquoi ils délaissent l'éducation nationale? Parce que c'est quand même a été un instrument central dans la vie de la République pour amener la France à ce qu'elle est devenue. Moi, ça me semble intéressant de voir qu'ils s'en détachent comme ça. Je sais pas s'ils détestent l'éducation nationale en tant que telle, vu justement ce qu'elle est devenue. Parce que c'est très utile pour l'éducation nationale. Ça, c'est compliqué quand même de faire aimer cette République. Personne n'en veut. Enfin, moi, j'en veux pas. Et puis, bon, moi, d'accord, je suis un uber-nazi. D'accord. Mais je veux dire, même les gens normaux, ils en veulent plus. Ils ont compris l'entourloupe. Donc, il y a de la propagande. Il faut faire un peu de lavage de cerveau. Et là, la République, ils ont le package parfait. Parfait. Ah, oui. Parce que le gamin... Il est obligé d'aller tous les jours de la semaine, 8 heures par jour, écouter des communistes, faire de la propagande, et même ils vont plus loin, quoi, plus loin que le programme, avec des cours d'éducation civique. Je sais pas si vous avez eu ce genre de conneries. Cours d'éducation civique, où t'expliques... La morale sans Dieu, tout ça. Ouais, voilà, et puis la constitution, ah non, on a un état de droit, etc. Tiens, un état de droit, j'en parle un peu, là, vite fait, mais Vincent Renoir vient de se faire extrader en France, ou en tout cas va se faire extrader en France. Donc, la France, vous savez, pays des droits de l'homme, machin, on a quand même la liberté de penser, de s'exprimer, les lumières, hein. Et puis, t'as un type, alors que vous soyez révisionniste ou pas, Vincent Renoir, son crime, entre guillemets, c'est de ne pas croire à l'existence des chambres à gaz. Si vous y croyez ou si vous y croyez pas, c'est votre problème. Mais en tout cas, vous avez quand même, j'imagine, assez d'ouverture d'esprit pour se dire que, voilà, ce sujet historique, qui est vieux quand même de plus de 70 ans, les gens auraient quand même le droit de pouvoir écrire à ce sujet, surtout c'est un travail d'intellectuel qui fait, et au moins d'être tranquille. Bah non, voilà, donc pays des droits de l'homme, etc. Je propose à cet effet le film L'homme de la cave. Enfin, ne le regardez peut-être pas en entier, il y a des boutons qui vont pousser sur votre peau, mais la bande-annonce, quoi, en 2-3 minutes, est un peu une... Je dirais pas une caricature de Vincent Renoir, mais ils ont un petit peu voulu moquer voilà, les gens qui se posaient des questions sur certaines périodes et d'autres choses et tout. Ça moque peut-être un peu les complotistes dans l'eau. Bon, en partie à raison, parce que c'est moins scientifique que le révisionnisme, on va dire, mais historique. Mais ouais, L'homme de la cave, des petits extraits et tout, on s'amuse un peu, quoi. C'est un petit film. Là, je crois qu'il avait fait un petit peu sortir de confinement. Ça devait être vers l'année 2020, 2021, un truc comme ça. Mais ce que tu dis, Bobby, c'est vrai, c'est-à-dire sans l'éducation nationale, pas de République. Et ça, l'ennemi le sait très bien. Mais si je te dis que maintenant, les Juifs, ils ont toujours été attachés à la République, si je te dis que maintenant, en fait, leur attachement viscéral, c'est un attachement à l'Europe. À l'Union européenne, tu veux dire ? Ouais, plutôt. Quand Raphaël Glucksmann te dit qu'il est viscéralement attaché à l'Europe, qu'est-ce que tu comprends, toi ? Oui, il n'est pas attaché aux racines franques-celtiques, romaines, etc., catholiques. Il ne pense pas à l'Odyssée d'Homère, ouais, je pense pas que ça. Ouais, on se rend compte que les Juifs, en tout cas une partie des Juifs, ils pensent plus trop avoir besoin de la République. Maintenant, ils pensent à l'Europe, en fait. Mais l'Europe, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est quoi ? C'est la destruction des nations. Donc, d'ailleurs, Raphaël Glucksmann est candidat aux européennes 2024. Et donc, son obsession, c'est que l'Union européenne devienne une véritable puissance politique, qu'il y ait un sceau fédéral, qu'on soit dans une Europe des régions, etc. Donc, en fait, si vous rapprochez ça de ce qui se passe avec l'école, l'école est effectivement indispensable pour qu'il y ait une unité dans la nation, que ce soit une république, une monarchie, un Reich. C'est indispensable. Donc, si là, ils sont en train de lâcher l'éducation nationale, c'est qu'ils sont rentrés vraiment dans la phase de dissolution des nations. Là, ils pensent vraiment que c'est bon, qu'ils n'ont plus d'ennemis et qu'ils peuvent dissoudre l'unité initiale de la nation, que ce soit pas avec l'immigration, etc. L'éducation nationale, elle devait être construite pour qu'il y ait nation, sauf que les catholiques ne s'en sont pas du tout occupés. Ils sont complètement versés dans le surnaturalisme en donnant ça que au clergé, alors que ce n'est pas au clergé à faire ça. Et ils ont abandonné l'école, les francs-maçons s'en sont saisis, ils ont créé l'éducation nationale, et ils ont créé le monstre qu'on connaît qui a enfanté cette France-là. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas que la faute des francs-maçons. Enfin, pour moi, ce n'est pas la faute des francs-maçons si on a eu cette éducation nationale. C'est la faute des catholiques, des surnaturalistes qui n'ont pas compris que c'était quelque chose qu'il fallait faire. Et ils ont abandonné ça à l'ennemi, le diable s'en est saisi et ça a donné ce qu'on a vu. Et je voulais faire ensuite une mention honorable aux nazis, qui eux savent observer ce que la gauche fait de bien, ce que les révolutionnaires ont fait de bien, et ils ont mis en place une école exactement sur le même principe, sauf avec une doctrine nationale-socialiste qui n'était pas hostile à Dieu. C'est intéressant après ce que tu disais de dire que finalement ouais, on ne garde pas l'école pour justement retourner les cerveaux à notre sauce, mais là on est vraiment en phase terminale où en fait on laisse le truc pourrir indéfiniment. C'est-à-dire qu'il y avait quand même eu la phase de Vincent Peillon, vous savez, où là on voulait transformer des républicains, là fallait extirper l'ordre naturel, qu'il soit sexuel, racial ou autre, de tous les enfants de l'école publique. Bah là, ouais, y a un peu une phase d'autodestruction. Et ça me rappelait, pour le coup, bah, dans le cas français, là, c'est pas Napoléon, mais avec Philippe Pétain, un grand reproche, finalement, qu'on lui a fait. Donc, évidemment, après-guerre, bon, la question juive, collaboration avec l'Allemagne, à la limite, il pouvait le mettre sur le dos des pressions allemandes. Par contre, s'il y a un fait qu'on lui reproche, qui n'est pas du tout du fait des Allemands, c'est en effet d'avoir mené une politique assez contre-révolutionnaire. Disons, ça n'a peut-être pas été fasciste jusqu'au bout, parce que là, c'est peut-être plus les mouvements de collaboration parisiens. Mais il y a une entreprise de restauration nationale et assez contre-révolutionnaire où il remet le catholicisme en selle et tout ça. Donc finalement, après-guerre, on lui a surtout reproché ce fait d'avoir coupé, un peu comme dirait Vincent Peillon, avec... Ces racines qui sont des anti-racines de 1789. On en est toujours au même point dans la tradition. Moi, c'est ça qui me drame. Enfin, c'est affligeant. C'est affligeant. Moi, j'ai revu cette période historique avec cette idée du surnaturalisme. Et c'est vrai que ça explique tout. C'est malheureux, mais ça explique tout. Bah, les gens se réfugient un peu dans la facilité, les choses qui les poussent à l'inaction. Et alors, on va dire, c'est Dieu qui fait, qui veut, ou je ne sais pas quoi, mais c'est... Ça retrace notre lâcheté. Et un petit peu comme j'avais donné les exemples de... Même, moi, je le vois là, hein, dans les exemples de Concile de Pise, donc qui n'est pas vraiment une référence, mais celui de Constance, oui. Même si c'est un peu une suite, sauf que là, elle réussit. Voilà, les gens ne veulent pas assumer, alors on fait des espèces de théories qui nous permettent d'être dans l'attentisme. Il n'y a rien à faire, on attend que... Voilà, là, pour solutionner la question de l'autorité dans l'Église, on attend que Bergoglio se convertisse. Voilà, ça ira. Il ne donne aucun signe, hein, c'est tout à fait le contraire. L'enseignement est non catholique, acatholique, voire anti-catholique. Mais voilà, on est là, on attend, on est dans l'expectative, tout va bien, et on tourne en rond avec des théories, machin, semi, Le monde tradit, c'est vrai que c'est le tradistan, en fait. S'il y a bien une expression, c'est le hal tradistan. Mais bon, après, c'est un peu comme la droite nationale, quoi. On y est, même si on sait que c'est pas tous les jours facile. Ouais, mais bon, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. T'as raison, quand tu dis c'est la facilité, là, c'est on remet l'éducation aux prêtres et on fait rien, on s'en débarrasse. En gros, c'est ça. Après, si les prêtres, bon, à certains niveaux, mais bon, comme tu dis, c'est vrai que normalement, j'ai envie de me former aux philosophies politiques. Bon, moi, ça me plaît énormément de lire les encycliques de Léon XIII, et c'est un pape qui, d'une certaine façon, est très politique. Mais en priorité, tu vas évidemment t'en remettre à l'histoire, à des choses plus des laïcs, quand bien même ce sont de pieux catholiques. Tant mieux, mais on va plus se pencher vers ceux qui ont traité vraiment ces sujets-là, disons, et c'est sûr. Si tu prends les francs-maçons, par exemple, eux, ils ont dépensé, ils n'ont pas été feignants, en fait. Si tu regardes l'œuvre des francs-maçons au XIXe siècle et au XXe siècle en France, ils ont fait des efforts incalculables pour faire d'une France traditionnelle et catholique le cloaque qu'elle est devenue. Alors, mais le truc, c'est qu'en fait, ça a été fait avec l'énergie du vice, en fait. C'est que c'est des gens qui péchaient, qui voulaient débarrasser évacuer toute pensée de Dieu, toute morale, pour pouvoir se livrer à leur désordre. Et ça te donne une motivation, en fait, malheureusement. Et le génie de la franc-maçonnerie et des juifs, ça a été de canaliser cette énergie maléfique. Mais je me suis rendu compte qu'il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire il y a eu des gens, forcément, qui ont été bien intentionnés, comme Copin Alban Célie, il en parle bien dans ses livres sur la franc-maçonnerie. C'est des gens, c'est un peu des ingénus, des naïfs, ils veulent rendre la société meilleure, et en fait, dans la tradition, il n'y a rien qui leur... C'est que des cul-de-sac, en fait, c'est-à-dire, oui, bah alors viens, tu t'assois, tu obéis au prêtre, et tu la fermes. Enfin, ton initiative, on te coupe l'herbe sous le pied, donc je peux comprendre qu'il y en a, malheureusement, qui sont allés se joindre aussi à ça, et en face, on a, malheureusement, on est apathique, parce qu'en fait, on n'a pas de véritable exaltation du bien commun naturel et immanent. On n'a pas Après, on tient en respect, je veux dire, le clerc, et il est tout à fait normal d'avoir une certaine obéissance, ou dans l'échelon de l'Église, on est tout en bas, d'une certaine façon. Mais c'est sûr que tu ne deviendras jamais un homme complet si, pour savoir comment tenir ton stylo, tu le demandes à, je dirais pas à l'évêque du coin, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, là, des véritables, mais, mais c'est sûr qu'il y a une indépendance d'esprit à obtenir. Il faut se former en tout, et pour être meilleur, et je sais pas, des thèmes comme la philosophie, la science, bon, bah, on peut en effet s'en remettre à saint Thomas d'Aquin ou certaines personnalités comme ça, mais en soi, la politique et les laïcs, c'est nous, hein. On est plus porté sur ça, on est jeté en plein dans la cité, quoi, nous. Ils peuvent pas être spécialistes de tout non plus, d'ailleurs, les clercs, hein. Je sais pas pourquoi le fait d'être clerc, ça permettrait d'être plus compétent pour enseigner la physique ou l'allemand ou que sais-je. C'est ça, ils jouissent d'une particularité, mais qui est bien plus théologique ou autre, donc c'est la science la plus supérieure, mais en même temps, voilà, comme vous dites, s'il connaît pas les maths, le prêtre, il connaît pas les maths. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai eu des témoignages de gens qui ont mis leurs enfants dans les écoles hors contrat. Alors, apparemment, chez les filles, ça se passe pas du tout comme ça. Enfin, il y a beaucoup plus de rigueur pédagogique, mais dans des écoles de garçons, en fait, il y a beaucoup de... Le niveau est très moyen, quoi. C'est-à-dire que les profs, ils sont pas forcément super bons dans leur domaine. En fait, le surnaturel... Alors, moi, je suis obligé de préciser que j'ai un retour complètement différent d'une école privée hors contrat. Que j'ai d'ailleurs visité moi-même à plusieurs reprises. Mes enfants sont pas là-dedans, ils sont trop petits. Hein. Mais où en fait le niveau est alors peut-être que ça dépend aussi hein, des écoles en question. Hein, peut-être qu'elles sont pas toutes au même niveau. Mais en tout cas d'après ce que j'ai vu, entendu et pour cette école en particulier, le niveau est tellement bon qu'en fait bon déjà tout le monde a son bac, ça c'est réglé. Et en fait les gens ils ont des incertitudes. Sur si on va parler de l'invention bien ou très bien à l'issue du bac, quel genre de prépa ils vont faire, tellement que le niveau est très très bon, quoi. Ouais, bah le niveau est excellent. Bah, si on compare à l'école publique, à mon avis, c'est sans commune mesure. Après, je pense Elzinko pointe des imperfections, voilà, d'ordre doctrinal, bon, surnaturaliste, gallicanisme d'ailleurs. C'est des erreurs qui sont à la fois naturalistes, qui se mélangent à du surnaturalisme. J'ai remarqué que ces deux erreurs, une fois que tu exagères l'un, tu exagères l'autre. Et ceux qui croient André Lesage, dit marquis de la Franquerie, c'est pareil. Surnaturalisme, tu crois que le grand monarque arrive, et le grand monarque, quand il arrive, il établit un empire temporel, quoi. C'est purement politique et tout. Alors que le délire à la base était beaucoup plus d'ordre religieux. Mais j'ai un autre retour. Alors, si j'ai des retours qui sont bons d'ailleurs, là je pensais à un en particulier, même deux, trois autres. Il y a le fait que, bon, les adolescents font les adolescents. Donc, pour le coup, c'est dans le Nord, un ami longtemps enseignant. Bon. Les laïcs enseignants sont un peu envoyés au casse-pipe. C'est pas genre de carrière très bien payée. C'est presque plus une... Voilà, tu te sens investi d'une mission sociale, presque, quoi. ou d'une mission spirituelle. Mais voilà, les jeunes, bon, font les ados, et du coup, ça existe un peu, les trucs, l'omniprésence des jeux vidéo, ou de la drogue, ou des petits trucs comme ça, y compris les petits tradis, quoi, de province et tout. Vous avez des cas comme ça. Ça doit pas être partout. Et d'un autre côté, bon, je ne reprocherai pas ce fait que, bon, les ados font les ados. Moi aussi, tu me prends à 15 ans, j'étais un petit con. On est tous pareils, il n'y a pas de souci. Mais il y a ça qui pose problème. Après, bon, c'est tenu souvent par des religieux et des religieuses qui sont très... Bon, si on regarde du niveau de la société, oui, c'est sûr qu'ils sont au-dessus. Simplement, ce que ça montre, cette histoire, c'est que, bon, heureusement qu'il y a des écoles où ça se passe pas, où ça se passe bien, mais le surnaturalisme est une mentalité réelle et profonde dans nos milieux depuis plusieurs siècles, et il semblerait que ce soit l'une des causes, si ce n'est la cause principale, de nos défaites après défaites politiques. Messieurs, je vous propose de faire une petite pause musicale avec une musique qui rend bien zinzin, et on se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite. Nous voici de retour dans Or et Mousse pour parler d'un sujet qui me tient personnellement à cœur. C'est un sujet qui parle de conversion et puis un sujet qui est intéressant parce que ça parle aussi un peu de people. Donc on continue notre tour du monde et on va atterrir aux États-Unis avec la conversion de l'acteur Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, LaBeouf, en fait on peut dire les deux. Ça s'est anglicisé, c'est un français d'origine du côté de sa mère et juif, je crois, du côté de son père. Donc la conversion de l'acteur Shia LaBeouf au catholicisme traditionnel, et je vais lire un petit extrait du journal du dimanche qui nous parle de ça. Shia LaBeouf chemine vers l'ordination diaconale, c'est en tout cas ce que révèle la publication sur le réseau social Facebook d'une section californienne des Capucins franciscains. Je cite « Nous sommes ravis de vous annoncer que notre cher ami Shia LaBeouf est pleinement entré dans l'église le week-end dernier par le sacrement de confirmation, s'enthousiasme ainsi l'ordre religieux catholique. » Plus loin, selon Alexander Rodriguez, l'acteur connu pour son rôle dans la saga Transformers, aurait trouvé la foi catholique lors du tournage du nouveau long-métrage d'Adèle Ferrara consacré à Saint Padre Pio, le saint catholique. Je passe les différents détails de cet article qui peuvent apporter une précision pas forcément intéressante, mais moi je vais vous apporter des précisions qui vont être croustillantes. Je suis sûr que Elzinko et Rex auront plein de détails à rajouter. Alors, bon, Shia LaBeouf, donc vous connaissez peut-être pour son acteur d'Hollywood, voilà. Donc, à demi-juif, ex-gauchiste, qui s'était pris de passion lors de la candidature de Donald Trump contre Donald Trump par gauchisme, il est devenu catholique. Et pas n'importe quel catholicisme, donc le catholicisme traditionnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est Mel Gibson lui-même qui a entamé un processus de conversion à son égard, et ils sont devenus amis, ils sont toujours amis. D'ailleurs, pour la petite histoire, ils vont faire apparemment une comédie noire où ils vont interpréter des Rothschild. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Apparemment, ce n'est pas les Rothschild qu'on connaît, mais c'est intéressant. Il a insisté, Shia LaBeouf, pour dire que c'est la messe traditionnelle qui a beaucoup joué dans sa conversion, et donc il est en train de devenir diacre. Donc diacre, un assistant des prêtres. Donc, on va dire, il revient de loin, il fait un virage là, il y va à fond, quoi. Hein. Un virage à droite toute, mais c'est vrai que ça, c'est le genre de conversion incroyable, hein. C'est presque miraculeux. Enfin, miraculeux, bon, je pense que Mel Gibson a eu un certain apostolat. Je pense que cette conversion, bah, c'est une deuxième Shoah, hein, très certainement, un petit peu comme la conversion, vous savez, de Véronique Lévy. Bernard-Henri Lévy, on avait parlé à la radio devant El Kabach. Pour la première fois, vous confiez quelques histoires de famille. Votre sœur Véronique, est-ce que j'ai le droit d'en parler, qui s'est convertie au christianisme? Vous le faites. Non, non, mais vous prenez le droit. Vous avez été surpris? Oui, j'ai été surpris, oui. Vous ne pouvez pas, rien faire contre son choix. Vous l'avez accompagné, le Christ. Attendez, c'est une toute petite sœur, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que moi, mais enfin, elle est tout de même majeure. Elle fait ce qu'elle croit devoir faire. Le seul point par lequel cela me concerne, c'est... D'abord, il y a des questions de... Moi, je suis très profond... Je suis juif et très profondément juif. Et mon judaïsme, c'est une manière d'être fidèle à une certaine transmission. Donc, et universalité. Et, oui, mais transmission, universalité, ça va de soi. Ça, je... Voilà. D'accord. Mais, transmission. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en faisant ça, elle rompt une chaîne de transmission, peut-être. Elle contribue à la rompre. Et puis, il se trouve que ça correspond avec le moment où je suis en train de me débattre. Cette petite sœur, elle s'appelle Véronique. C'est ma sœur, fille de mon père et de ma mère. Elle s'appelle Véronique. Et j'apprends sa conversion au moment où je suis en train de courir les musées de France et d'Europe à la recherche de portraits de Véronique. Les Véroniques, c'est-à-dire ces jeunes juives présentes à la sixième station du calvaire du Christ, lui tendant un linge et voyant son visage, l'essuyant, et voyant le visage christique s'imprimer sur ce linge. Pour moi, cette affaire-là est capitale parce que c'est le moment où l'image de diabolique qu'elle avait tendance à être devient sainte. C'est le moment où de démoniaque qu'on l'a considérée, elle devient bonne. Et puis j'apprends cette nouvelle, en effet, personnelle, qui me tombe dessus un peu comme la foudre. Ils étaient tous les deux au quatrième sous-sol, on va dire. Quand ils l'annonçaient, c'était waouh, la déprime complète. Là, il ne buvait pas de l'alcool en groupe. Voilà, il s'était alcoolisé, alcoolique anonyme. Au quatrième sous-sol, donc dans une cave. Voilà, avec des poussettes, comme on disait au début de l'émission. Et c'est pas étonnant pour Mel Gibson, en plus après son film sur le Christ, où il accuse un certain peuple déicide, hein, donc là, il les collectionne. Et c'est intéressant, émanant de, bon, de quelqu'un dont le père est un catholique de tradition, en fait, parce que c'est ça, hein, le père de Mel Gibson, et même bah, de constat, de tendance, c'est des vacantistes. Donc ça va un petit peu sur ce milieu-là, et... impressionnant, parce que ouais, là, on s'adresse quand même à quelqu'un qui est passé du judaïsme et de la dégénérescence la plus complète à catholique et pas Vatican 37. Quoi. Donc oui, alléluia, Deo gratias. Alors moi aussi, je me suis intéressé un peu à ce mec. C'est un descendant de français, en fait, Shia. En fait, c'est une transformation de Leboeuf. Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, on peut dire les deux prononciations. C'est lui-même d'ailleurs qui l'a indiqué. Donc Leboeuf, attaché ou Leboeuf. En fait, il fait partie de par son père d'un groupe ethnique qui s'appelle les Cadiens. En fait, c'est des descendants de Français qui étaient partis s'établir là-bas au XVIIe. Et ils se sont fait déporter par les Anglais un petit peu partout. Donc il y a des groupes d'Acadiens un petit peu partout. Parce que ils étaient pas, enfin, la couronne les considérait comme des sujets indésirables parce qu'ils étaient catholiques, justement, et parce qu'ils parlaient français. Alors, est-ce que c'était pas une vraie Shoah? Je sais pas. Mais... Je ne veux pas leur donner la possibilité de voir, mais là, c'est mon peuple, c'est mes frères. L'Angleterre avait voulu les génocider, mais finalement, il en restait quand même quelques-uns. Alors, sa mère est juive, apparemment, mais son père est pentecôtiste. Je ne connaissais pas trop ces trucs de pentecôtistes, c'est marrant. J'ai découvert le concept de glossolalie. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah non, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une de leurs spécificités, en fait. Par exemple, la xénoglossie, c'est quand tu te mets à parler une langue que tu ne connais pas. Xénoglossie? La xénoglossie. Ah, pardon. Ah, c'est alors, pas la numérologie, là, ouais, c'est pas 3 plus 3, donc 666. La xénoglossie, c'est quand tu parles, genre, tu parles latin alors que tu parles pas latin, mais ça, c'est la glossolalie, c'est genre quand tu dis juste n'importe quoi. C'est du laranglosie, donc, on est d'accord. Voilà, bon, ben, ils considèrent que les pentecôtistes, que c'est un signe du baptême du Saint-Esprit, en fait. Ah ouais, d'accord. T'as pas de la glossolalie, c'est pas bon, en fait. Ouais, je trouvais ça assez, ouais. Assez déplorable. Ouais. Mais sinon, ouais, bah écoute, Deo gratias, hein, c'est bien pour lui. Hein. Alors, tu dis, pardon, c'est sa mère juive et c'est son père, du coup, qui est français ethnique. J'espère que j'ai pas dit l'inverse dans la présentation. Mais c'est pas... Oui, bah non, ouais. Bah, juif, en fait, je voulais. Ça va pas trop avec. Oui, c'est sa mère, Shaina Saïd, juive askenaz. Voilà. Il avait fait lui-même, donc. Il n'était pas vraiment, on va dire, versé dans la religion au départ. Il est fait, je suis obligé de le préciser, hein, un rapprochement au départ avec le judaïsme. Ça n'a pas tenu longtemps. Puis après, il s'était déclaré un peu agnostique, etc. Puis après, une longue période où, on va dire, ça n'a pas bougé beaucoup. Quoi. Mais c'est quelqu'un qui est un petit peu instable, on va dire, j'ai l'impression, en tout cas. Ah oui, oui, oui. Bah, il a une vie destroy. Déjà, son père, c'était un alcoolique. Il prenait de l'héro quand il avait 10 ans. Après lui, il s'est mis à boire, c'est un alcoolique, quoi, fini. Donc, après, l'avantage quand tu as des vies comme ça complètement dégueulasses, c'est qu'il y a quand même un désir de propreté qui grandit en toi. Enfin, je sais pas, en tout cas, ça se passe pour cette personne. Et après, du coup, tu désires vraiment être lavé. Donc, il a dû essayer, il a dû se tourner, comme tu dis, vers le judaïsme. Il a dû voir qu'il ressortait pas forcément beaucoup plus propre. Donc, après, il a trouvé ce qui marche, en fait, et il n'y a que le sang de notre Seigneur, hein, qui marche, donc c'est pas pour lui. Je connais beaucoup de gauchistes, même de vraiment très très rouges, hein, qui sont devenus des uber-fachos. Dans le sens inverse, j'en connais pas beaucoup. Donc ça, j'ai dit instable, mais je suis pas hyper inquiet non plus sur son avenir, parce que une fois qu'on a quand même goûté à la vérité, on n'a pas envie de retourner dans le mensonge. Après, on a une société, voilà, très majoritairement très progressiste, enfin, qui va dans le sens du vent, donc c'est normal que ça y ait un peu plus dans l'autre sens. Hein, si, malheureusement, si on prend l'époque où le protestantisme réussit, bon, il y a la moitié de l'Europe qui apostasie, et même j'imagine, pour la Révolution française ou des choses comme ça, bon... Là, les gens ont été pourtant formés au catéchisme, même les gens comme Voltaire et tout ça, ils connaissaient parfaitement leur point de doctrine, ils savaient à quoi ils s'exposaient, mais Bon, ça a basculé dans l'autre sens. Donc, bon, après, à l'heure actuelle, ouais, c'est sûr que on voit beaucoup plus des gens venir vers la raison, quoi. Mais là, c'est si dégénéré et si visible que je pense que c'est normal que ça prenne le chemin inverse. Ce que tu dirais que c'est confirmé par le nombre d'augmentation de baptêmes d'adultes. Il y a le nombre global de baptêmes chute, mais le nombre de baptêmes d'adultes qui indique une véritable conversion fait que augmenter. Ouais, mais c'est intéressant, en tout cas, son parcours. Je souhaite bien sûr de s'affirmer dans la foi, et il va même très fort, parce que donc il est en train de devenir diacre. Je crois même que maintenant il est diacre, et super intéressant. Alors, les gens qui font des conversions d'adultes, généralement, si jamais il a envie d'aller plus loin et de devenir prêtre, généralement on leur dit mollo, faut voir ça sur le long terme, parce que t'es un nouveau converti, et puis c'est normal d'ailleurs, l'église s'engage, prend un risque, donc les candidatures généralement sont étudiées avec un peu plus de distance pour les nouveaux convertis. Je trouve ça tout à fait normal. Et vu qu'il a un passé en plus instable, etc., j'ai envie de dire, raison supplémentaire. Donc j'espère qu'il va pas essayer de se brûler les ailes. Voilà, je pense que c'est une prudence supplémentaire de l'Église, et surtout pas s'en offusquer. Le fait de devenir chrétien, il y a beaucoup de choses aussi à changer dans sa vie. Hein. Même d'un point de vue social, surtout lui, Hollywood, c'est pas forcément des gens qui apprécient généralement le christianisme. Hein. Ouais, c'est leur zèle charnel au début. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai. D'un côté, on est tout récent, donc on devrait, l'humilité nous pousserait à être plus discret, quoi, à être un peu plus en retrait, à en apprendre plus avant de s'exposer. Mais c'est vrai que la puissance de la conversion fait aussi que c'est ceux qui mettent souvent le plus de zèle. Donc ça s'embrase pas mal quand la conversion est véritable. Parce que pour Gad Elmaleh, je sais pas, on n'en parle plus trop là. C'était un cas un petit peu moins fructueux, on va dire. Il leur parle là justement de ce qui fait un show, et ça parle un peu de Lourdes, je sais plus quoi. Et puis il insiste. Ouais, comme par hasard. Ouais, ouais. Du fric à prendre, quoi, avec eux. Mais c'est ça. Il fait attention quand même, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais ça reste quand même pas lié à controverse, les catholiques, c'est universel, blablabla, poète. Moi, je crois que le show, il s'adresse absolument pas de manière refermée à une communauté en particulier. Ce serait réducteur pour notre projet. Et moi, si j'ai embarqué là-dedans, c'est justement parce que cette histoire, elle m'a touché et bouleversé. Mais quand mes potes musulmans et juifs étaient assis dans la salle à Lourdes et qu'ils se prenaient en pleine face le show, il n'était plus question d'appartenir à telle ou telle communauté. L'aspect fraternel de ce projet, il vient du fait justement que dans le monde entier, on est sensible à l'histoire de ce personnage, qui vit une vérité, encore une fois, très, très troublante et très forte, qui va au-delà de la religion, de la religiosité, du rite, du dogme au sens premier du terme. Vous savez, alors lui, on pourrait le mettre dans une pièce avec le pape pendant 10 heures, il pourrait nous pondre des bouquins comme ça, où en fait, à la fin, on dit rien du tout. C'est très, très fort. Donc en fait, on a compris, hein, le chemin de conversion de Gad Elmaleh, au point de vue chronologique, là, voilà, nous sommes février 2024, ça aurait dû se terminer depuis bien, bien longtemps. Ok, il n'y a pas de chemin de conversion. On a compris. Par contre, il y avait beaucoup de com. Il fallait faire beaucoup de buzz par rapport à son film. Il a bien eu son buzz. Il est bien content. Ah, merci. Ouais, non, mais il a peut-être eu une grâce particulière à ce moment-là. Mais bon, visiblement, il a fait peut-être un choix qui n'était pas... Ou alors, il est converti, mais tu sais, la transformation du vieil homme en nouvel homme, ça prend du temps. Donc là, il est quand même... demande quand même encore un peu d'argent, mais il a du mal à remettre la main dans la poche. Enfin, mais ça vient peut-être que c'est ça, je sais pas. Je suis pas raciste, mais les fourchus, hein, ils ont toujours su faire de l'artiche. De ce côté-là, ça a toujours été des calors. Ah, ou alors, il est converti Vatican II, du coup, voilà, il est converti, mais il se demande si l'enfer existe vraiment. Est-ce que ça va être facile de retrouver du boulot à Hollywood quand on devient catholique tradit et pote de Mel Gibson? Comment ça va se passer? Ouais, la carrière a pris un coup là. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il se reconvertit dans le diaconat. Il y a peut-être plus de carrière à ce niveau. Mais il n'était pas censé faire des films, Mel Gibson là. Si, bah, il fait des films. En fait, il est devenu principalement producteur, Mel Gibson. Ça fait un petit moment d'ailleurs, hein, avant même ses emmerdes. Et il fait une trois casquettes en fait. Il fait production et réalisation, puis il est toujours acteur. D'accord. Et son film La Résurrection, c'est pour quand là? Ça traîne un peu effectivement, mais je crois que c'est pour bientôt. Mais ça fait tellement longtemps qu'on dit que c'est pour bientôt que ouais. Bon bah, il aura peut-être un rôle dedans. Hein. Ouais, c'est possible, ouais. Pourquoi pas? Parce que là, ouais, après, il y a des choses. Mon avis, il sera pas invité. il sera pas invité pour faire s'il y a un nouveau préquel de Transformers. il sera pas dedans. Non, non, c'est sûr. Mais bon, l'acteur qui avait joué, il s'appelle déjà celui qui a joué dans La Passion du Christ. Oui, c'est Jim Caviezel. Il a trouvé du boulot quand même. Il a un peu galéré au début, mais c'est à peu près pareil, quoi. Il y a une série aussi qui est sortie il y a pas longtemps qui est pas mal là, sur le Christ. Je sais pas si vous avez vu, elle est diffusée gratuitement sur Internet. Ils ont eu un succès. The Chosen. Ah, The Chosen. Alors j'ai vu ça. Je l'avais déjà vu d'ailleurs. Je lui mets un 7 sur 10 à cette série que j'ai vu entièrement. Alors, ah, tu l'as vu entièrement, d'accord. Ouais. 7 sur 10, et d'accord. Encore, c'est parce que si vous avez des lacunes, etc., un peu dans les évangiles, ça va vous intéresser davantage. Mais sinon, la note baisse encore. Parce qu'il y a un problème dans ce genre de film, c'est que tu ne peux pas, je trouve que c'est très compliqué de faire ça, de rendre ça crédible, quand tu as un tel manque de budget. Faut avoir du budget pour faire des films comme ça. Faut des figurants. Et ils ont eu du budget, non, à partir de la saison 2 et 3 hein. Le paralytique qui monte sur le toit, etc. Les mecs, ils font 50 plans différents parce qu'ils ont envie de cacher le fait qu'ils ont que 5 figurants, quoi. Alors que dans les évangiles, tu es obligé de voir qu'il y a une foule immense et que c'est pour ça qu'ils passent sur le toit, parce qu'ils n'arrivent même pas à se frayer un chemin et que c'est un bordel pas possible parce que dès que Jésus... il se rend dans une ville et il y a une foule immense et c'est pas possible. Il y a tellement de monde qu'il est obligé de se mettre sur une barque et de s'éloigner un peu du rivage parce que sinon les gens ils vont même à la nage pour essayer de le. Juste ouais, ok. Du coup, t'as les 3 points quand même pour ça, c'est beaucoup de points. Non, non. Et puis il y a un côté un peu doucereux, quoi. Et ça, c'est insupportable. C'est à chaque fois, on essaie de mettre un peu de l'eau dans le vin, hein. C'est insupportable. L'évangile, oui, c'est... Il faut que les femmes, elles aiment bien aussi. Hein. Ah oui, mais c'est trop mignon, quoi. L'évangile, il y a aussi des étincelles, quoi. Alors les pharisiens, c'est pas juste des intellectuels de salon qui disaient « Bon, d'accord, on n'est pas d'accord spécialement avec toi, mais... » Non, ils vont vifs. Les pharisiens gentillets... Et puis en plus, ça colle pas après, parce que du coup, on nous montre tout un tas de pharisiens qui sont... on va dire un peu en mode bousquetaire. Oh, d'accord, très bien, nous ne sommes pas d'accord. Certes, mais n'en venons pas aux mains. Deux scènes après, crucifiez-la, crucifiez-la. Non. Et puis, il y a un petit côté protestant aussi. Un peu. Après, j'ai trouvé que l'acteur de Jésus, il s'en sortait pas trop mal. Il est excellent. Et les acteurs en général de cette série, par contre, sont assez mauvais. Alors lui, il est bon. Des problèmes de personnalité. C'est-à-dire que Mathieu, il n'est pas efféminé. Alors ça, c'est insupportable. Mathieu efféminé, Mathieu qui est gauche aussi, qui est maladroit. Mais la personnalité de Mathieu, mais ces gens, ils n'ont pas lu l'évangile. Ouais, c'est un autiste, mec. Ouais, ce qui m'a fait marrer, c'est Pierre aussi. On dirait Raphaël Nadal. Il a des bras et qui va à la muscu toute la journée. Et, oui, et puis en plus, et puis Pierre, il est aussi viril. Dans sa personnalité, quoi. C'est aussi un point. une sorte de. Il intimide Mathieu et tout. Non, puis même, je veux dire, dans les évangiles, dans la vraie composition, t'as aussi des moments où Pierre il s'engage à fond, quoi. Alors pas toujours pour le bien, d'ailleurs. Il s'engage. Des fois, il s'engage aussi pour dire des bêtises. Ah non, la croix, non, Jésus, moi je te laisserai pas. Je suis pas d'accord avec toi, Jésus. Avec moi, ça n'arrivera jamais. Tu vois, il y va à fond. Ça, on ne retrouve pas la fougue de Pierre dans cette série. C'est pas avec Jésus, c'est un trait de caractère extrêmement, c'est quasiment le trait de caractère le plus flagrant dans la vie de Pierre. On frappe le pasteur, les brebis sont dispersées, s'en vont, là partout. À ce repart, hein, et ils s'en passent. Réaction de Pierre, alors là, coup classique si je puis dire. Réaction de Pierre. Ce Pierre est très, très attachant, faites attention. Faudrait prendre son crayon là, et mettre toutes les phrases de Saint-Pierre à la suite les unes des autres. Il va toujours à 140, ce Pierre, hein, et toujours entraîné à des gaffes. Il dit des bêtises, le plus souvent. Hein. Tout ce qu'il dit, à peu près tout ce qu'il dit, Saint-Pierre, ça ne se réalise pas, ou il a tort. Mais c'est le poids qui l'emporte, comme dit Saint-Augustin, hein. C'est son amour pour le Christ. Ah, c'est pas contestable. Il met souvent les pieds dans le plat, il met les pieds à côté, et il dit plein de choses, voilà. Mais, c'est toujours par amour pour le Christ. Et ça, c'est magnifique. Et ça compense tout le reste. Il s'en tire tout le temps. Voilà. Utiliser la méthode de Saint-Pierre. Or, Pierre lui dit, quand il entend ça, Vous serez tous scandalisés cette nuit à mon sujet. C'est intolérable pour Saint-Pierre, vous imaginez. C'est comme le lavement des pieds. Toi, tu me laves les pieds? Jamais! Pas question! Si je te lave pas, t'auras pas de poire avec moi. Ah, mais pas seulement les pieds, la tête, les mains, tout! Saint-Pierre. Or, Pierre lui dit, Saint-Marc, quand même tous seraient scandalisés, alors les autres, ils vont peut-être se barrer, mais pas moi. Du moins, pas moi. Quand bien même tous les autres s'en iraient, moi, je resterai là, à tes côtés. Pierre lui a dit, c'est version de Saint-Matthieu, quand tous seraient démoralisés à ton sujet, moi, je ne serai jamais démoralisé. Jésus aura Saint-Pierre aura toujours un moral d'acier pour suivre Jésus. Maintenant, tu viens de critiquer pendant 10 minutes. Maintenant, dis des choses bien. C'est complet. Ils ont pris le temps. Ils développent bien quand même tous les personnages. Ils nous parlent même des personnages un peu plus secondaires. Par exemple, on peut très bien faire cette série qui dure plusieurs saisons, hein, sans traiter de Nicodème, par exemple. Tu vois, on peut dire, on n'est pas obligé de le nommer. Là, ils sont arrêtés sur Nicodème. Et puis ils expliquent qui est Nicodème. Je trouvais ça pas mal pour se représenter les choses. Ça, c'est aussi un support à la méditation, si tu vois. Genre, c'est sûr, ils ont pas un budget énorme, mais c'est pas non plus un film des années 50 où bon, il y a quand même voilà, un décor. C'est pas non plus complètement mal foutu. Donc, et puis l'acteur de Jésus, je trouve, rien que l'acteur de Jésus mérite d'être regardé. Je trouve qu'il y a des bénéfices au plan, on peut en tirer des bénéfices sur le plan spirituel, pas simplement sur le plan du divertissement. Moi, je recommande sur YouTube un film qui s'appelle La vie de Jésus, qui dure un tout petit peu plus de 2 heures, qui est en français, qui est un très vieux film. Ils n'ont pas beaucoup d'argent et pourtant ça passe. Ils ont fait un truc qui se tient parce qu'il y a les étincelles, les clashs avec les pharisiens. Ils sont flagrants. On n'essaie pas de nous dire que c'était un beau roman, c'est une belle histoire. Ouais, ouais, voilà. C'est le genre le Jésus qui a les yeux super bleus, un peu maigre, c'est ça? Ouais, c'est celui-là, ouais. Ouais, des fois, il y a des scènes où genre il est vénère. Pharisien, non, non, non. La maison de mon père. Ouais, il est excellent, je l'ai vu aussi. Ouais. Vous faites bien d'en parler, c'est clair. Là, c'est bien tourné et ça n'est pas béni, oui. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes, sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez pur et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon! C'est un imposteur! Un fanatique, un fou, un menteur! Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent. Conducteurs aveugles, vous coulez un insecte et vous avalez un chameau. Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ouais, pour la passion du Christ, franchement, j'avais trouvé à peu près tout nickel. Le gros point noir pour moi, c'était Monica Bellucci. J'ai trouvé absolument incrédible en... Marie-Madeleine, alors attends, deux problèmes. Alors bon, déjà, elle n'a pas beaucoup de répliques dans le film. Mel Gibson est très sympathique et on l'apprécie beaucoup, mais alors confondre Marie-Madeleine avec la femme infidèle qui va se faire lapider, etc., c'est une erreur énorme, c'est une insulte énorme envers Marie-Madeleine. Donc cette scène-là était quand même lunaire, je comprends pas qu'on fasse une erreur comme ça. Une erreur aussi, à la fin, le soldat qui est au pied de la croix, c'est pas un simple soldat, c'est un centurion. Centurion, il commande 100 soldats. Et on le présente comme un simple soldat, ça change tout, c'est énorme, c'est bizarre quand même. Mais moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans Passion du Christ, c'est la pub énorme qu'on en fait les Juifs, qu'on nous explique, d'ailleurs je compte sur vous messieurs, expliquez-moi, parce qu'on nous dit que c'est un film antisémite, voilà. Mais alors pourquoi c'est antisémite? Expliquez-moi, pourquoi est-ce que la Passion du Christ est un film antisémite? Bah parce que les évangiles sont antisémites, c'est tout. Non mais d'un point de vue des gauchistes, c'est quoi les arguments qu'ils ont avancés? Parce que les émotions, etc. Oui, mais les émotions, 6 millions, ma grand-mère en pyjama, tout ça. D'accord, mais d'un point de vue factuel. Parce que les Juifs sont dépeints comme un peuple cruel, menteur, fourbe, notamment les pharisiens. Mais c'est pour la même raison qu'ils reprochent, c'est les Juifs hein, qui reprochent surtout ça à Mel Gibson. Et j'ai vu des réunions interreligieuses, notamment avec les protestants et les Juifs, où les Juifs, en fait, ils demandent de modifier, voilà, comme le CRIF ou la LICRA demandent de modifier un document qui est antisémite, ils demandent ça pour l'évangile, notamment de Saint Jean, qui sera antisémite. Ils ont dit que le peuple a été dépeint comme comme tu dis, un cruel, tout ce que tu veux. Bah écoutez, il faut lire les évangiles, hein, il faut le miroir, il hein, faut savoir. Hein, c'est... Le problème, c'est que quand on met des images sur les mots, on voit quand même que, pas dire que Pilate était innocent, hein. Pilate il porte une responsabilité, mais Pilate il a quand même tout fait, à plusieurs reprises, au départ, pour ne pas condamner le Christ. Pilate ne peut pas reculer, il s'assoit sur son tribunal, il se fait apporter un écrit, hein, et il signe Jésus de Nazareth, ibis ad crucem, tu iras. À la croix, il signe, puis il s'en va. Il a condamné Jésus à mort. Les choses vont aller très très vite après. J'ai résumé très rapidement. Moi, quand je lisais La Passion, que j'avais 13-14 ans, quand je l'ai découverte un petit peu, comme je commençais à comprendre un peu les choses, je me disais, je vous promets, je me disais, mais Pilate va... Jésus va s'en tirer. Et Pilate va être obligé de reculer. Il passe son temps à dire que Jésus est innocent. Comment voulez-vous condamner quelqu'un? Et d'inventer des subterfuges pour éviter la croix à Jésus. Je résume, il y en a 8 ou 9, selon qu'on compte double. Voilà. La première altercation, prenez-le et jugez-le vous-même. Autrement dit, c'est une histoire de loi, de pas loi, de respect de la loi. Je m'en fiche. Allez, tirez-vous. Ensuite, qu'est-ce que la vérité? Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ton royaume n'est pas du tout gênant. Ça ne me gêne pas, moi, que tu sois roi. À la manière dont tu dis que tu es roi, ça ne me gêne pas du tout que tu sois roi. Jésus, Pilate prend le parti de Jésus. Puis, les autres continuent, bien sûr. Et il est le Galiléen? Oh, chouette. Bon plan, on va l'envoyer à Hérode. Troisième manière de sauver Jésus. Je vais le châtier. Pas par cruauté, pour amadouer la flagellation. La flagellation, je vous l'ai dit et redit, c'est une manière de sauver la mise de Jésus pour éviter la croix. Ça, tout ça a complètement échoué, on est bien d'accord. Mais vous voyez le nombre de... Barabbas. Barabbas, c'est étonnant. C'est Pilate qui propose que le prisonnier qu'on libère cette année pour la Pâque, ce soit Jésus. Mais c'était pas du tout comme ça que ça marchait. C'est le peuple. Le procurateur devait libérer celui que le peuple demandait. Et là, c'est lui qui propose, ben on va libérer Jésus. Allez, vous êtes d'accord, allez, je vous libère Jésus. Ça a complètement échoué également. Complètement échoué. La femme, aujourd'hui, la femme de Pilate qui lui dit, attendez, attention, dangereux, il n'y a rien avec toi. La scène de l'ex-homo, c'est la septième tentative de Pilate pour sauver Jésus. Encore complètement échoué. Et vous avez vu dans quel état il est? Arrêtez de vous acharner dessus. Le undi est tu. Pilate complètement atterré par ce il s'est dit le fils de Dieu, mais est-ce que ce ne serait pas le fils de Dieu? Undi est tu. Undi est tu. J'aurais pu mentionner également la réponse de Jésus. Celui qui m'a livré à toi a fait un péché beaucoup plus grand. Bon, réfléchis. réfléchi. Et puis le bouquet final, voici votre roi. Il espérait encore que ça calmerait les Juifs. Non seulement ça les calme, pam, c'est l'hystérie. Et il signe le papier. Et puis à la fin, pourquoi est-ce qu'il craque à la fin, Pilate ? Bon, c'est une faiblesse d'homme. Voilà, c'est une faiblesse d'homme. Il n'a pas envie de... Parce qu'il n'a pas envie de finir éventré par l'empereur César, quoi. Voilà, il tient sa vie. Bon, par crainte pas... des Juifs. Voilà, s'il y a des troubles à nouveau dans sa place qui gère, là, non seulement il va perdre son poste, mais il va peut-être perdre sa tête. Depuis le début de ce procès, c'est Pilate qui essaye de sauver la mise de Jésus et le grand prêtre qui essaye de le tuer, de le faire tuer. C'est incroyable ce procès de Jésus, hein. Incroyable. L'argument massue. Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Attention, Pilate. Car quiconque se fait roi se déclare contre César. Alors ça veut dire, mon petit gaillard, on t'a déjà fait, je vous l'ai raconté, le coup il y a 2 ou 3 ans, où tu avais introduit dans le temple des figurines et, hein, sur des labarums romains et des dieux païens. On a écrit à Rome, et Tibère, t'as pas enlevé ton poste, mais il t'a pas mal secoué, hein. Et t'as failli disparaître. Voilà. Et quand un procurateur était enlevé, soit s'il était promu dans un état plus grand, enfin, voilà, ou alors il était châtié, et beaucoup d'empereurs ont fait tuer des procurateurs romains qui ne leur donnaient pas satisfaction. Donc, voilà. Autrement dit, on va prévenir ton patron. On va prévenir ton patron. Et alors que l'Empire romain laisse les coutumes locales en place, avec beaucoup de génie, de civilisation, hein. Là, tu es en train, nous, notre loi est claire, cet homme-là doit mourir, et toi, tu es en train de le protéger. Donc, on va prévenir César. Immédiatement après, et Pilate, il s'écroule. Il s'écroule d'un seul coup, parce qu'il sait que c'est sa place qui est en jeu. Péché de Pilate, il a été là, hein. Il n'a pas été injuste, à part la flagellation de trop. Mais à part cette sentence inique, inimaginable, il se pose la question d'où vient Jésus ? Est-ce qu'il ne serait pas Dieu ? Est-ce qu'il s'est posé la question, Pilate. Et il va signer. Pourquoi ? Parce que, attention, si tu signes pas, tu n'es pas l'ami de César. Tu comprends ce que ça veut dire de ne pas être l'ami de César ? Ça veut dire qu'on n'a qu'un courrier à envoyer à Rome et tu te fais envoyer au fin fond de la Pannonie orientale, voilà, à casser des cailloux. Hein. Ou pire, hein, c'est Tibère qui règne. Hein. Tibère s'amusait comme Hérode à arracher les yeux de ses victimes. Hein. Les 10 dernières années de Tibère, un fou furieux, il les a passées sur, hein, du côté des Pouilles, là, sur le bord de la mer. Il ne s'occupe plus de l'Empire romain, il ne met plus les pieds à Rome, et il passe son temps à se faire envoyer les gens pour les torturer, hein, s'amuser avec eux, les mutiler et les balancer du haut de sa falaise. Voilà les 10 dernières années. Vous comprenez que Pilate, il n'a pas du tout envie de tomber entre les mains de Tibère. Hein. Alors, pas du tout. C'est ça qui l'a basculé. Mais moi, Monica Bellucci, ce que j'ai pas aimé, c'est que Marie-Madeleine, elle est repentie, en fait. Et tu sens trop que c'est... Monica Bellucci, elle n'est pas du tout repentie dans sa vie, quoi. C'est païenne, quoi, au dernier degré. Et ça se voit. Enfin, elle arrive... Peut-être qu'il y a des acteurs qui arrivent à faire croire qu'ils sont chrétiens dans un film. Moi, j'en ai pas beaucoup vu, parce que les bons acteurs dans ces films-là, c'est des vrais chrétiens, souvent des chrétiens traditionnalistes, comme Jim Caviezel. L'acteur de The Chosen, c'est la même chose. Il y a des acteurs comme l'acteur de Barabbas dans La Passion du Christ qui se sont convertis durant le film. Elle, tu sens qu'elle ne s'est pas du tout convertie. Notamment, ce que j'ai une scène en tête, c'est la scène où ils sont sur le calvaire et la croix, en fait, juste avant qu'il la redresse et qu'il mette le pied dans le sol. Elle tombe, en fait, il fait un effet de style où elle tombe et où Jésus, il se retrouve à 20 cm du sol. Et il y a la Vierge Marie et Marie-Madeleine qui ont peur, elles se tassent comme ça. Et après, Monica Bellucci, elle se redresse tout doucement. Et tu vois, elle regarde la caméra et tu sens qu'elle se sent regardée, genre « Ah ouais, je suis belle ». Enfin, tu sens qu'elle pense un truc comme ça. Alors, c'est peut-être que je suis complotiste dans ma tête, hein, mais pour moi, ça m'a semblé la seule fausse note que j'ai trouvée de ce film, qui par ailleurs est... l'un des meilleurs films de l'histoire. Ouais, très très bon. Moi, je lui mets un 9 sur 10 facile, quoi. Ouais. La musique aussi, vraiment. Bref, donc Chia, tu auras du boulot. Écoute, hein, chez Mel. Et enfin, le dernier tour du monde se termine en Espagne avec une question d'un internaute qui nous a été posée sur Telegram. Je lis sa question. Julien Laxonnet du Vanotet nous pose la question suivante sur Telegram. Salut les gars, petite question par rapport à la dernière vidéo. Comment pouvez-vous affirmer que Franco aurait suivi l'esprit de Vatican II ? J'ai trouvé que c'est une question qui était super intéressante et je crois que Rex a beaucoup de billes là-dessus, cette question en particulier. Oui, je n'en parlerai pas seul, mais en fait, on se base sur le fait que j'avais dû dire dans l'émission, c'était peut-être pas tout à fait la dernière, là tu as lu le commentaire, c'était peut-être il y a 2-3 mois, mais pas beaucoup plus. Et en effet, il y a plusieurs principes. Vous avez l'abbé Julio Menviel qui est très intéressant, qui soutient le corporatisme et qui était théologien thomiste. Mais il fait partie de ceux qui, hélas, se sont fait avoir, alors qu'en défendant, bon, avec le recul, voilà, on n'avait pas le recul nécessaire pour tout voir, tout comprendre sur la crise Vatican II. Forcément, c'est beaucoup plus facile de s'en rendre compte aujourd'hui ou il y a 20 ans que... en plein années 60-70, où on a la tête dans le guidon et tout ça. Mais quelqu'un comme l'abbé Julio Menviel, par exemple, a un peu soutenu voilà, ce qui relevait de la liberté religieuse, mais en plus dans un sens voilà, qui commençait à être Vatican II. Et en fait, le général Franco, donc, qui était un militaire très pieux et qui aura fait un bon nombre de lois sociales bonnes pour l'Espagne, un peu... Voilà, comme Pétain ou Salazar. On le compare souvent à Salazar, les deux se ressemblent pas mal, quoique l'autre était plus économiste, le portugais. Franco avait des origines portugaises, il me semble. Et Franco, donc, oui, en étant pieux, n'a pas vu le mal arriver quand les prélats lui ont demandé de voilà, soutenir un peu cette thèse de la liberté religieuse, sens nouveau, plus retiré de la... de la Constitution d'Espagne, la catholicité, de même qu'ils ont un peu invectivé la Colombie pour qu'ils le fassent. Donc c'est un peu, voilà, Paul VI, ça devait tourner vers la 1967, ça, où c'était tombé. Et donc avec le thème liberté religieuse, donc qui ouvrait un pan entier de tout ce qui pouvait être œcuménisme ou des choses comme ça. Alors à l'époque, voilà, il n'y avait pas un tel cosmopolitisme dingue où on pouvait se rendre vraiment compte du mal provoqué aussi facilement, disons. Mais on pouvait quand même le voir. Et je pense que l'objet de mon propos était de dire qu'avec le fascisme, on ne se serait pas laissé avoir, puisqu'il y avait entre guillemets un anticléricalisme de circonstance qui fait que les prélats progressistes allaient être mal vus et n'allaient pas être suivis sous quelques injonctions. Qu'il propose surtout si celle-ci est dégénérée, déglinguée, porte atteinte à la nation, des choses comme ça. Donc le problème, c'est ça en fait. Je me base sur cet événement-là où, voilà, années 70 finalement, Franco a validé, puisqu'il suit l'évolution Vatican II, malheureusement, mais en même temps, même à l'époque, Jacques Poincaré-Dassac, qui était critique, n'osait pas non plus tout de suite rejoindre les rangs du lefèvrisme ou on fait des sacres, bon c'est plutôt en 1988, mais on fait des sacres entre guillemets sans mandat romain et tout ça, donc sauf une situation extraordinaire, en effet on ne peut pas légitimer une telle chose selon les lois de l'Église, selon sa divine constitution, à moins que, un peu comme dans le décisionnisme, voilà un principe supérieur, quand ça déroge à la règle, on enfonce des portes qui ne sont pas que ouvertes, si vous voulez, un peu comme à cette émission d'ailleurs, quand on parle de fascisme, et pour un peu retomber sur les pattes, oui, voilà, Franco a validé ça, donc on ne l'invente pas, et pourquoi l'a-t-il fait aussi, c'est au-delà du fait qu'il était très catholique, et quand des clercs lui demandent, bon, il fait, il y a cet aspect d'isolement de l'Espagne, dont il est en partie responsable, puisqu'un mouvement comme les phalangistes, qui étaient les nationalistes purs, on va dire, du courant, ont été un peu mis à l'écart, et surtout après la guerre, où en fait, voilà, fallait un peu faire plaisir aux bourgeois conservateurs de base, à la loi internationale, etc., parce qu'après 1945, les régimes nationalistes sont morts, sauf Franco en Espagne et Salazar au Portugal, qui tous deux se sont isolés même pendant la guerre en ne voulant pas trop s'engager. Ils n'ont pas été vraiment du côté de l'Axe, même si évidemment, ils n'étaient pas du côté trop des alliés qui étaient souvent franc-maçonniques, machin, et tutti quanti. Donc voilà, l'isolement a fait même qu'ils rapprochent l'Opus Dei, par exemple. Bah oui, donc, oui. Donc voilà, une structure qui, traditionnelle, entre guillemets, un petit peu comme peuvent l'être des guénoniens, genre on admire que le fait que vous soyez traditionnaliste parce qu'on aime toutes les traditions et qu'on estime que toutes les traditions ont un socle commun, que nous faisons nôtre, c'est une spiritualité vraiment curieuse. En plus, ces gens-là s'estiment hyper intelligents, j'ai déjà débattu avec un du genre, c'est incroyable de tomber sur des énergumènes pareils, mais voilà, du coup, c'est... Bon, Elzinko, je crois que tu voulais un petit peu flinguer le pauvre Franco pour ses liaisons avec l'Opus Dei. Non, pas flinguer, mais oui, mais voilà, mais je vois que vers la fin des années 50, il a livré carrément son gouvernement à l'Opus Dei, quoi. Ah ouais, ouais, c'est... ouais, enfin, livré, bon, il est resté chef de l'État, disons. Mais, Oui, enfin, mais bon, mais il est... C'était, oui, suite aux mesures d'autarcie, et l'Opus Dei a pas mal collaboré avec les États-Unis pour instaurer le libre-échangisme en Espagne. Donc, on peut, enfin, il y a quelque chose dont ne souffraient pas les fascistes et les nazis, c'est qu'ils n'étaient pas surnaturalistes, en effet. Ils n'étaient pas pour confier la direction de la société à des prêtres, qui soient... orthodoxes ou non. Alors là, en plus, les prêtres orthodoxes dans les années 60, c'était de plus en plus rare. Donc c'est sûr que si les nazis avaient emporté la guerre, il y aurait eu... déjà, le monde serait resté le monde de l'ordre, en fait. Et la révolution dans le Vatican II, c'est le miroir de la révolution sexuelle et du désordre dans la société. C'était soi-disant une volonté de rapprocher l'Église du monde. Si Hitler avait gagné, le monde n'aurait pas été ce qu'il était au moment de Vatican II. Tandis que Franco, il n'avait pas de conviction, de la même façon qu'Adolf Hitler avait des convictions. Il n'avait pas une vraie philosophie de ce que devait être la nation et l'ordre politique. Si bien qu'il a livré... à l'Opus Dei son pays pour qu'il s'en sorte un petit peu parce qu'il ne savait plus quoi faire. Donc je ne vois pas comment il aurait pu, quelques années plus tard, s'opposer et dire non, c'est moi qui vais vous dire ce que vous devez faire dans l'Église. Une autorité, une certaine liberté chez ces hommes cultivés qui étaient tous deux, d'ailleurs Benito Mussolini et Adolf Hitler, entre Sorel, Machiavel, les Indo-Européens, un truc qu'ils connaissaient, tout un tas de sujets. Là où, comme je disais, Franco, c'est plus l'homme pieux et militaire obéissant, donc il a ses mérites, mais c'est voilà, une inculture, hélas. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis ? Les Japonais ? Les Japonais, c'est ça, autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Et quand on dirige un pays, il vaut mieux être bien cadré sur l'histoire et des choses comme ça. Ouais, bah après, c'est une chose d'être cultivé, mais pour moi, Adolf Hitler, il a eu plus que de la culture. Il y a eu vraiment une vraie doctrine nationale. C'est pas simplement un individu qui va avoir des connaissances historiques. C'est-à-dire, il est arrivé à sécréter quelque chose et à le répandre dans toute la nation pour former une vraie unité. Et c'était quelque chose qui n'était pas en... Ça n'appartenait pas en propre à Adolf Hitler. Je me sens plus excité par Adolf Hitler. C'est quelque chose qui était immanent à toute l'Allemagne et qui a aussi été immanent en Italie, mais à mon avis, ça s'est un petit peu précisé en Allemagne. C'est quelque chose de... Toute la société était vivifiée. Là, on parle d'un individu, Franco, qui n'a pas du tout su sauver sa société du monde, hein, parce qu'il a laissé les Américains revenir et le et donc la banque, et donc les juifs, et donc tout ce qui va avec, en fait. C'est soit tu construis un monde antinomique du monde actuel, basé sur l'usure, soit tu vas avec, et en fait, il n'y a pas d'alternative. Alors Hitler, lui, a choisi de reconstruire autre chose, et c'est pour ça qu'on lui a déclaré la guerre, mais il fallait être prêt, il ne voulait pas du monde actuel, il fallait être prêt à rentrer en confrontation directe avec le système. Et visiblement, Franco ne l'avait pas compris, parce que s'il avait compris, il aurait été un petit peu moins neutre, d'après ce que j'ai compris. Oui, il y a pas mal à dire. Hein. D'ailleurs, c'est comme tu l'as dit, si les fascistes avaient emporté la guerre, ça ne serait pas passé comme ça. J'avais noté que la République de Salo, c'est-à-dire 1943-45, quand Mussolini essaie de revenir, il établit des lois sociales. Il revient d'ailleurs un peu à ses origines, où c'est très socialiste dans le bon sens du terme, on va dire, mais il déclare se rattacher également à la loi apostolique et catholique romaine. Donc il professe encore cette chose qui est promu, respecté, et dans cet anticléricalisme de circonstance, comme je disais, en général, on admire, on respecte le catholicisme de combat, pas celui qui est mou. Celui-ci était, enfin voilà, c'est mal vu, tous ces discours mielleux, biaisés, subjectivistes que l'on dénonçait durant toute l'émission. Là, ça n'a pas cours, donc il n'y a pas de problème. Après, comme Maurice Bardèche disait, hein, vis-à-vis de Pétain, moi je suis plus fasciste, ça m'intéresse moins, mais face à un gauchiste, je défendrai toujours Franco, c'est évident. C'est quand même bien, voilà. Mais voilà, et est-ce qu'on aurait eu, avec un Hitler gagnant, un Mussolini, etc., Vatican II? C'est même ça, la question est ouverte, la question se pose. Et probablement qu'on l'aurait eu, parce que bon, c'était un peu l'actualité, il fallait traiter de nouveaux thèmes théologiques, un peu rassembler les évêques, pourquoi pas. Mais on ne les aurait certainement pas eus avec nos Jacques Maritain, les BA, les encycliques Nostra Aetate enjuivés. Ça aurait été strictement impossible de le faire. Il n'y aurait pas eu un boulevard ouvert, il y aurait des portes fermées à ce niveau-là. Donc ça n'aurait pas été possible. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que la Révolution s'en est pris d'abord au trône, au roi, pour ensuite s'attaquer à l'autel, quand la force politique n'était plus là et qu'il n'y avait plus l'épée pour protéger la chose, l'Église catholique n'avait plus qu'à vous voyez un petit peu pour avoir droit d'exister ici ou là. Enfin, je veux dire à titre ecclésial et humain, hein, mais au titre surnaturel, elle est parfaite, ça n'y a pas de souci. Oui, mais elle était ouverte à toute la subversion, en fait. Si Hitler avait... Le Vatican II, c'est aussi le résultat de l'infiltration par les francs-maçons et par les communistes. C'est Mgr de Smet qui faisait partie du secrétariat des chrétiens, qui était rapporteur de la liberté religieuse au Concile. Alors, vous voyez bien, tout ça venait donc soutenu par le cardinal Béat, bien sûr. Alors, il y avait des conférences avec les cardinaux, conférences avec les évêques, on faisait des conférences dans les grandes maisons de Rome, n'est-ce pas, pour convaincre les évêques qu'il fallait absolument voter pour la liberté religieuse et pour l'œcuménisme. Le cardinal Béat a fait, pendant ces deux années, de 60 à 62, il est tourné dans le monde entier, il est allé partout, faire des conférences en faveur de la liberté religieuse. Il a pris des contacts avec les libraires de New York, officiels, parce que c'était dans les journaux, pas caché, avec le conseil œcuménique des églises, par l'intermédiaire du cabinet de Mgr Villebrand, avec les orthodoxes russes, la communiste, par l'intermédiaire du cabinet de Villebrand aussi, et des contacts officiels avec tout ce monde-là, pour leur demander que désirez-vous du Concile. Les laïcs juifs, francs-maçons, qui sont très nombreux, très puissants, ils sont maintenant près de 200 000, au moins, réunis dans des loges uniquement juives. Eh bien, la réponse de ce monde-là, c'était « Donnez-nous la liberté religieuse ». C'est-à-dire que l'Église ne soit plus considérée comme la seule vraie religion. C'est tout ce que nous demandons. Si vous nous donnez ça, il n'y a plus de problème avec l'Église catholique. Évidemment, l'Église catholique, c'est sa bordel. C'est clair. Si elle n'est plus la seule vraie religion, elle n'a pas plus le droit d'exister d'une autre religion. C'est la mort de l'Église. Si jamais Adolf Hitler gagne la guerre, il y aurait fait partout comme il a fait chez lui, c'est-à-dire il aurait purifié toute la société de la franc-maçonnerie, de la juiverie dans une certaine mesure, enfin pas pour les exterminer, mais pour les mettre hors d'état de nuire, et donc il n'y aurait plus toutes ces troupes communistes et franc-maçonnes prêtes à rentrer dans l'Église et à faire Vatican II, donc le problème aurait été éliminé de lui-même. Bon, c'est pas dire que l'Église a besoin, que Dieu a besoin des hommes, mais c'est dire que la surnature a besoin de la nature. Si toute la nature est pourrie et remplie de virus, eh ben, tu peux plus construire grand-chose, quoi. Donc Adolf Hitler, je pense qu'il aurait fait, un peu le ménage, ça aurait facilité la chose. Bla bla bla bla bla bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Nous sommes en 1955, Herr Bernard, on peut avoir une deuxième chance? Merci. Donc voilà, ouais, ça c'est un peu la grande découverte. La question qu'il faut se poser un petit peu diffusée, c'est probablement que voilà, ça ne se serait pas passé du tout comme ça. Ah ouais, mais moi, je voudrais faire juste des panneaux publicitaires, en fait, en France. Et tu dis, homme blanc, considère l'état de tes grandes villes. Si Adolf Hitler avait gagné la guerre, en serais-tu là? Tu vois, ça, non, mais c'est un truc tout con, mais même le mec le plus lobotomisé qui encore regarde l'état de Marseille, de Paris, s'il a cette pensée, il est obligé de se dire, ben non, ce ne serait pas comme ça. Et ça, c'est le premier pas vers le fascisme. Ouais, oui, bah c'est comme on disait, après le monde post-Nuremberg, donc l'ordre naturel est nié, y a plus, les hommes ne sont plus saints, S-A-I-N, et donc on ne peut plus greffer la sainteté dessus, hein, la surnature ne peut pas se greffer sur un corps malsain, donc c'est, voilà, la foi et raison, il y a cette foi et raison. L'ordre naturel et l'ordre surnaturel, et des gens comme Mussolini et Adolf Hitler, bon, même si ça aurait pu être beaucoup mieux sur le plan surnaturel, mais on en a déjà discuté dans l'émission d'avant, c'était pas du tout un Voltaire, hein, Adolf Hitler, mais ils avaient une idée très développée et très concrète de ce qu'était l'ordre naturel et de ce qu'il devait être, tandis qu'aujourd'hui, dans les milieux catholiques et sûrement dans la tête de Franco, vu ce qu'il a fait, tout est flou en fait, ils savent pas. Ils ont les idées floues sur comment... Ça manque de détermination. Et par contre, pour la conversion catholique de Benito Mussolini, j'ai nombre de documents. Là, elle est plus affirmée. Pour Adolf Hitler, c'est vrai que ce qu'il aura gardé, surtout, c'est une dévotion envers la Vierge Marie dont il disait que bon, elle l'avait sauvée durant la Première Guerre mondiale. Et c'est un peu aussi le contexte d'époque. Hein. On les regarde là tous, même Pétain et tout. Ils ont perdu la foi jeune ou adolescent pour y retourner 20-30 ans après. Pétain, c'est dans ses vieilles années, quoi. C'est sur les 4 dernières années de régime où il retrouve la foi catholique. Hein. Sinon, c'était plutôt les galipettes à l'hôtel en pleine Première Guerre mondiale, quoi, avec les dames. D'un point de vue pratique, après Vatican II, quand tout s'est installé, il y a eu quand même un petit moment de flottement. C'est-à-dire que les modernistes, ils n'ont pas quand même tout de suite enchaîné directement par placer le père Mathieu à la tête de la congrégation, etc. Quoi. C'est allé en douceur, petit à petit. C'est toujours souvent comme ça, d'ailleurs, quand on nous fait des embrouilles politiques. C'est difficile à faire avaler un sujet. Donc, petit à petit, on essaye de nous mettre un petit peu les choses en place. Et je pense que sous une Europe national-socialiste, ils auraient eu beaucoup de mal quand même à mettre ça en place, ne serait-ce que petit à petit. Ça aurait été compliqué. Et je ne parle pas de répression politique sur le terrain. Je pense qu'ils n'auraient même pas trop osé, parce que c'était pas dans l'air du temps. Mais bon, alors là, si vous mettez des social-démocraties avec la victoire des Alliés et puis mai 68, ce que vous voulez, alors aucun problème. Hein. Là, ça se marie très bien ensemble, quoi. Hein. Du caca avec du caca, ça donne du caca, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah, ce sont les démocrates chrétiens, hein, dont j'avais déjà dit qu'ils étaient crypto-marxistes, quoi, en Italie, avec. Bah, même toi, Bobby, t'en avais parlé avec Don Sturzo, là. C'est sûr, hein, tu donnes liberté totale aux démocrates chrétiens au milieu de tous les autres, de social-démocrates, communistes sociaux, asociaux et que sais-je encore. C'est sûr que c'est l'apocalypse. Quoi. Les gens qui sont d'accord de base sur le relativisme, les modernistes et les démocraties sont d'accord sur le relativisme. Ils sont tout est relatif. La dette, c'est relatif. La foi, mais c'est relatif. Mais le salut, c'est relatif. La politique, c'est relatif. Ah non, ça par contre. Ah non, voilà. Ça, c'est la haine. C'est objectivement la haine. Et du coup, ils haïssent la haine quand même. Enfin, ils ont la haine aussi. C'est vrai, ouais, la haine de la haine, d'être anti-anti en général, ouais. Et comme on ne se définit pas par une négation à moins d'être un bon à rien, ouais, je pense que ce sont des bons à rien. Plaignons les tradis qui portent le même regard sur les fascismes que toute cette démocratie et qui s'en rendent pas compte. Moi, ça me dépasse probablement plus que tous les sujets qu'on a abordés jusqu'ici. Ils pensent qu'une Troisième République pourrait peut-être hypothétiquement tolérer un retour à un catholicisme traditionnel. Pouah, les gars, impossible! possible. C'est marqué à toutes les lignes. C'est marqué à toutes les lignes. Liberté religieuse partout. Donc c'est pas possible votre truc. Voilà. Le musulman a autant de droits que le catholique, qui a autant de droits que le bouddhiste. Et de toute façon, tout ça, c'est l'histoire de Dieu. On n'est pas trop sûr. Enfin, ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut. On ne sait pas. Poète, poète, tagala. C'est marqué à toutes les lignes. Relativisme. Impossible votre projet. C'est impossible. Même ça, même le projet que tu décris, c'est un projet. Bon, d'accord, Dieu c'est le plus important, mais c'est un projet de quelqu'un qui s'en fout complètement de l'avenir de son pays. En fait, juste, il veut pouvoir faire son culte, qui n'est pas de liberté religieuse, mais tout ce qui l'intéresse, c'est l'Église, en gros. Le reste, il s'en fout complètement. Enfin, ça, c'est une vision, voilà. S'il y a des gens qui pensent comme ça de manière un peu égoïste, bon, vous n'avez rien compris aux évangiles, hein. Vous n'avez rien compris parce que. L'Église catholique, elle est sainte. Vous connaissez, hein, chien. À la fin, faut pas oublier qu'elle est apostolique. C'est pas forcément marqué tout le temps, mais c'est dans sa nature. Si elle est pas apostolique, elle meurt. Mais c'est sa mission. C'est pas une option du Christ. Hein, c'est un ordre. Vous allez baptiser toutes les nations. S'il y a pas ça, il y a rien. Ils sont apostoliques, mais ils font la promotion de l'œcuménisme et de l'Église, de toutes les religions, en fait. Quoi. On est le temple de toutes les hérésies, on les regroupe toutes. Hein. Voilà, Pachamama, les païens, les musulmans, on est tous là, et c'est nous qui menons le bal, alors qu'en fait, ils trahissent complètement la foi catholique à l'atterrissage. Ben, c'est la Rome païenne, quoi. C'est la bête qui... des plus et qui revient, quoi. C'est-à-dire, sous Rome, il y avait toutes les religions du monde qui étaient acceptées, sauf la véritable, effectivement, qui est avec ses persécutions sanglantes. Mais c'est vraiment une reproduction. On se retrouve dans une reproduction. En fait, aujourd'hui, l'Église moderniste, c'est le pendant spirituel de l'Empire romain qui serait l'Union européenne, quoi. Retour complet au paganisme. Et les deux sont liés, en fait. L'avenir de l'Union européenne et de ce système-là est absolument lié à l'avenir de l'Église moderniste. Quoi. Même les païens de l'Empire romain se seraient offusqués face à l'avortement. Ils n'auraient pas laissé passer ça. Impossible. Impossible. Les modernistes, on ne les entend jamais vite fait. « Oh oui, quand même, il faudrait que... » Toujours mou, mou. C'est mou, ou alors on approuve. Ah, oh, bah écoutez, les gens, ils ont de liberté. Pff, allez. C'est la première cause de mort au monde. Parce que Macron, il veut booster la natalité française, là, il a annoncé. Hein. Ouais. Voilà. 200 000 avortements minimum en France tous les ans. Voilà. Non, mais c'est la première cause de mortalité dans le monde, avec 50 millions d'avortements par an. Plus que les cancers, plus que les maladies cardiovasculaires. On se rend même plus compte de la gravité, justement, parce qu'on a perdu le sens chrétien, quoi. On en parlait avec le catholicisme et le Japon, où voilà, ils brûlaient leurs anciennes idoles païennes, et les missionnaires disaient ça y est, ils ont enfin conscience du mal qu'ils faisaient, parce que bon, il y avait quand même le côté droit de vie et de mort sur la progéniture, et si bien que le père l'appliquait, mais même la mère a été impliquée, elle le faisait de bon cœur et tout ça, enfin, ça les... ça leur paraissait complètement dingue, les missionnaires, quoi. Donc ouais, plus de sens chrétien et même de bon sens naturel, quoi, parce qu'en effet un païen de l'Antiquité, enfin, il voit ça, mais c'est vrai que la nature n'a plus ses droits, quoi. Donc au moins dans le paganisme, bon, c'est sûr qu'il y a le panthéisme et tout ça, mais il y a du coup un respect de l'ordre naturel qui est un peu obligatoire, hein, à moins de En général, quand on veut s'extirper de ça, bah, voilà, chasser le naturel et revient au galop, quoi. Il y a le boomerang, la violence du retour du boomerang, quoi. Je ne dis pas que le décalogue en entier était respecté par les païens, je ne pense pas d'ailleurs. Faut pas mais c'était plus facile. Parce que... Mais voilà, par rapport à la 5e République, franchement, s'il y avait un choix à faire, bon, les deux seraient mauvais, effectivement. Je suis d'accord. Il y en a un qui est pire, hein. La République est pire. C'est histoire d'avortement, c'est sérieux, hein, quand tu fais. T'empêches quand même, là, sous le point naturel, d'accord, tout le monde a compris, le crime, tu tues un enfant innocent, bon, ok, les gens trouvent ça normal, et sur le point de vue surnaturel, bah, l'enfant, tu l'empêches quand, d'accéder au paradis. Alors, je dis pas qu'il va en enfer, hein, mais tu l'empêches quand même, en tout cas, ce qu'il va au limbe. Mais tu l'empêches quand même d'accéder au paradis. C'est un choix énorme pour l'éternité. Et les gens, ils trouvent ça normal. Ils s'en rendent pas. Et ça, c'est compliqué. Je crois même que d'ailleurs, pour quelqu'un qui fait preuve d'un crime sur l'avortement, il faudra me corriger dans l'espace commentaire si jamais je dis des bêtises, ou peut-être Rex et Zinko ont des billes à m'apporter, peut-être que je raconte des bêtises, mais je suis assez sûr de ce que je vais dire. Je crois même que tu, en temps normal, hein, sur Vatican II, la crise, etc., mais en temps normal, pour te confesser d'un crime d'avortement et recevoir l'absolution, je crois même que ce soit l'évêque qui est obligé d'apporter l'absolution, tellement que le crime en question est grave. Alors, vous savez, maintenant, les gens, ils font ça comme s'ils achetaient une baguette le matin. Hein. Vous avez compris la différence dans laquelle on parle. Et puis après, du coup, les gens qui portent une telle responsabilité, un tel crime, ils n'ont aucun sentiment de culpabilité. Et on nous raconte qu'apparemment, l'enfer, ça serait bien s'il était vide et tout. Le sang d'avortement par an, vous voyez qu'il y a un souci. Hein. En plus, vous avez la pénitence conciliaire maintenant. Donc là, c'est tout juste si c'est pas trois saltos arrière, dire je ne suis pas raciste et puis on est absous. Donc. Ouais, mais pour finir sur une note un peu plus positive que ce tableau déplorable, on va justement rentrer dans la période du carême et cette histoire-là de la mortalité, la première cause de mortalité, avortement, elle a été rappelée par un abbé dans un sermon que j'ai entendu. Et il expliquait que cette période, bon là on rentre dans la préparation du carême en fait, avec la septuagésime et tout ça. Et il nous a rappelé, en fait, en face de tout ce qui est en train de se passer dans le monde, les péchés horribles qui sont commis, d'utiliser cette période pour re-rentrer dans le véritable esprit de la croix, en fait, et de se rappeler que nous aussi, on a un rôle à jouer dans le sens qu'on peut, réparer, en fait. En union avec le Christ, on peut offrir des choses pour vraiment demander pardon pour tout ça qui l'offense vraiment. On se rendra compte au jugement dernier, mais à quel point Dieu, voilà, on a l'impression qu'il se passe rien, mais je pense qu'il est vraiment pas content, quoi. Ça va vraiment, on va vraiment le voir un jour. Et voilà, on a le pouvoir en tant que chrétien de réparer ça pour qu'il y en ait quand même quelques-uns qui puissent se convertir. Donc voilà, essayons de faire ça. Et puis après, enfin voilà, il faut pas que si on fait que dépeindre les tableaux apocalyptiques, c'est c'est trop triste. Il faut savoir voir le bien, oui, c'est ça. Et puis le bon Dieu permet un mal pour un plus grand bien, comme ça. Quand le mal est visible, il est moins pervers que quand il ne l'est pas, parce que là, c'est d'un seul coup plus pernicieux. Et je pense même ton propos, quand tu parlais des régimes communistes, finalement, on se préserve un peu mieux. Le libéralisme, tu le sens moins arriver, c'est mielleux, et à la fin, tu es en slip et tu le sais même pas. Quoi. Ou tu es en enfer et tu le sais même pas. Ouais, ça par contre, quand il est là. Je pense que tu le sais, en fait. Mais ouais, donc pour résumer l'émission, hein, on veut un peu plus de conversion de juifs. Hein, c'est un peu le débat. Entre Léon Blois et Édouard Drumont, là, où, comme Drumont était très véhément vis-à-vis des Juifs, Blois lui disait « Non, mais à la fin des temps, ils doivent se convertir. » Donc, ils ont un rôle à jouer. Et tu fais bien, Elzinko, de parler carrément. En effet, qui commence tôt, parce qu'il me semble que ça tombe le jour de la Saint-Valentin. Hein, là, on est limite à la mi-février. Et si bien que la fête de Pâques sera, même pas en avril, mais fin mars, il me semble. Donc, ça ne repousse pas, ça tombe plus tôt. Et voilà, oui, après on a parlé pas mal de modernisme aussi, donc de surnaturalisme, exit les églises conciliaires et puis allez fréquenter les paroisses traditionnalistes les mieux avisées quand vous pouvez, les renforcer, faites des activités, intégrez un groupe de fidèles et essayez de vous former entre vous sur tous ces sujets de philosophie et de théologie. Oui, enfin surtout devenez nazis et fascistes et catholiques. Parce que, voilà. Bon, ma conclusion, ce sera ça. Gambetta a dit « Le cléricalisme, voilà l'ennemi. » Moi, je vous dis « Le surnaturalisme, voilà l'ennemi. » Messieurs, vous avez bien parlé. Je pense qu'on peut se terminer là-dessus. Merci infiniment de m'avoir accompagné pour cette émission. Je précise qu'il est possible, que le mois prochain, nous ayons un invité de marque pour une émission exceptionnelle. C'est optionnel, en fait, on n'est pas encore sûr. Mais voilà, j'avance un peu mes billes, je fais un petit peu de... Je spoil un peu, on verra. Et quoi qu'il en soit, je vous retrouve dans un mois et je vous dis à bientôt. C'est qui, Raphaël Glucksmann? Non, c'est un goy, malheureusement. Je suis désolé, c'est un goy. C'est un goy. Ah, oh, bon, je viendrai quand même. Au revoir à tous. Allez, au revoir, messieurs, dames.